Messieurs, bonsoir, chers collègues. Je vais vous demander de prendre place, s'il vous plaît. Et je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Cédric Pape, présent. Elham Chahir, Édouard De Noël, Émilie Trigo a donné pouvoir à Cédric Pape, Vincent Doucissé, Djondji Biro, Hissène Ounissi, Yasmina Sadoud, Shawki Haddad, Edith Félix, Brahim Akrour, Merlin Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Charval, Brigitte de la Perelle a donné pouvoir à Édouard De Noël, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille, Alain Adino m'a donné pouvoir, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Mariam Diop, Kaline Tribi, Camille Chahir, Mamadou Silla, Manon Chrétien, Zora Kelly, Mona Bellil a donné pouvoir à Manon Chrétien, Jules Raguenaud, Sébastien Gricourt a donné pouvoir à Hissène Ounissi, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, présent. Angine Desbordes-Silly, Solène Le Bourris a donné pouvoir à Angine Desbordes-Silly, Anne-Laure Guy a donné pouvoir à Mohamed Jenan et Denis Barjolo. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Manon Chrétien, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Il n'y a pas de demande d'intervention. Procès-verbal du Conseil municipal du 13 mars. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Il y a des remarques ? Non ? Non ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Compte financier unique qui prend la suite du compte administratif et du compte de gestion. Je vais proposer à Cédric Pape de présider la séance du Conseil municipal pour la présentation de ce rapport. Cédric, tu as la parole. Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, en tant que premier adjoint, il m'appartient d'introduire cette délibération qui vise à approuver le compte financier unique. Petite novation par rapport à ce que nous connaissions les années précédentes, il ne s'agit plus d'une double délibération avec d'un côté le compte de gestion et d'un autre le compte administratif. Avec le passage au nouveau référentiel budgétaire et comptable, dit M57, que nous avons collectivement adopté lors d'un précédent conseil, nous nous prononçons une seule et unique fois sur le CFU, le compte financier unique. Cette unique délibération permet de nous prononcer en une seule fois donc sur le bilan 2024, établi conjointement par l'ordonnateur, le maire et le payeur, le Trésor public. Pour cadrer le débat d'emblée, chacun ici le sait, le compte financier unique retrace l'ensemble des mouvements, des recettes et des dépenses effectivement réalisées en 2024 par la collectivité. Ce compte-rendu financier a pour fonction de permettre à notre instance d'opérer un contrôle effectif sur la gestion financière de la commune, de vous permettre de mesurer le niveau de réalisation du budget. Il permet également de reprendre le résultat et de l'affecter en recettes et dépenses au budget primitif 2025. Le budget 2024 s'établit en fonctionnement à près de 86 millions d'euros en dépenses et à 96 millions en recettes. Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement par rapport au budget primitif voté sur ces mêmes bancs s'établit à 85%. Le résultat de fonctionnement pour l'exercice 2024 est donc excédentaire à hauteur de 10,5 millions d'euros. En investissement, les dépenses s'élèvent à 31 millions en dépenses et à 24 millions en recettes, soit là aussi en dépenses un taux de réalisation aux alentours de 85%. Un résultat d'investissement pour l'exercice 2024 déficitaire de 6,8 millions d'euros. Le solde de l'année 2024 s'établit donc à hauteur de 3,5 millions d'euros. En reprenant les résultats cumulés des exercices précédents, le solde s'établit à 17 millions en fonctionnement et à moins 13 millions en investissement, soit un résultat de clôture 2024 en intégrant les résultats cumulés s'établissant à plus 3,3 millions. Une fois ces éléments posés, quelques brefs éléments d'analyse. L'augmentation des recettes de fonctionnement d'environ 2% entre l'exercice 2023 et 2024 s'explique par la dynamique fiscale liée à l'augmentation des bases décidées par le Parlement. Pour rappel, La ville de Bagnolet n'a pas modifié les taux en 2024 et nous y reviendrons dans une délibération à venir et ne le fera pas non plus en 2025. Les dépenses dites de gestion courante sont en baisse par rapport à 2023 pour venir s'établir à 13 millions pour les charges à caractère général. Les charges de personnel viennent, quant à elles, s'établir à 45,6 millions d'euros. Nous venons ainsi contenir les effets des augmentations réglementaires de la masse salariale avec une stratégie de gestion dynamique des ressources humaines. Contrairement à ce que certains collègues de la majorité nous suggèrent à bas bruit sans vraiment l'assumer au grand jour, il ne s'agit pas de traquer les agents. Il s'agit cependant de réintroduire de la justice dans le pilotage au quotidien des ressources humaines, tant pour les contribuables bagnoletais que pour l'immense majorité des agents communaux. Il n'est pas acceptable qu'une extrême minorité contourne les règles sans conséquence. Ainsi, par exemple, en 2024, ce sont plus de 500 000 euros de retenue sur traitement qui ont été appliqués pour des absences non justifiées. Pour les années passées, c'est une somme équivalente qui a été titrée. Il ne s'agit pas de s'en vanter, mais juste de prendre acte qu'alors que certains nous reprochent de ne pas, je les cite, taper assez fort, la question n'est pas celle-là, à l'aide d'être juste. En 2024, un emprunt de 4,4 millions d'euros a été levé pour financer le programme d'investissement. Comme nous avons déjà pu le dire, ce nouvel emprunt comprend des années blanches, en 2031, en 2033 et en 2035, qui sont, je vous le rappelle, les années où tomberont les remboursements des emprunts in fine. Avec cet emprunt, nous poursuivons la trajectoire de désendettement que nous avons entamée. Nous y reviendrons aussi au moment de notre discussion sur le budget primitif 2025. En parallèle de ce nouvel emprunt levé l'an passé, la ville a remboursé 8,4 millions d'euros d'emprunt. Sur l'année 2024, la ville s'est donc désendettée de 4 millions d'euros. Je ne voudrais pas tomber ici dans une litanie d'analyses dont la succession serait douloureuse tant pour nous que pour celles et ceux qui nous écoutent. Aussi, je vous propose dès à présent d'ouvrir la discussion. Mesdames et messieurs, mes collègues, vous avez la parole. Monsieur Chahir. Alors là, nous allons parler le CFU. Donc, monsieur le maire, donc, chers collègues et chers habitants. Alors aujourd'hui, nous examinons le compte financier unique 2024-2025 et comparons les résultats avec le budget primitif 2025. Une analyse approfondie des chiffres révèle une gestion artificielle des finances et des incohérences graves qui mettent en péril l'avenir de Bagnolet. Pour rappel, le compte financier unique est présenté comme un outil moderne et dématérialisé, visant à regrouper les données d'exécution budgétaire et patrimoniale en un seul document, en remplacement des anciens comptes administratifs et de gestion. Cette réforme, bien qu'elle facilite la lecture des finances communales, pose néanmoins des questions en matière de transparence et de comparabilité des résultats, notamment en cas d'incohérence entre les sections de fonctionnement et d'investissement. Un premier point de vigilance concerne l'absence de données comparatives avec la moyenne nationale de la strate. En effet, le document de synthèse se limite à une présentation interne, indicateurs par habitant, ratios de dépenses et de recettes, etc., sans fournir d'éléments de comparaison à l'échelle nationale. Or, sans cette mise en perspective, il devient difficile d'évaluer objectivement la situation financière de notre commune et d'en mesurer la performance relative. Il serait donc pertinent d'intégrer ces comparatifs, même si on sait qu'avec la nouvelle M57, ce n'est plus une obligation. Par ailleurs, certaines anomalies comptables apparaissent, notamment au niveau des INCE. Donc ce sont les intérêts courus non échus. Cela correspond à des charges ou des recettes qui restent à payer ou à percevoir lors d'exercices ultérieurs. Ils influent sur les résultats d'un exercice qui a couru, bien que non échu. Ils seront à encaisser ou à décaisser lors des exercices à venir. Les montants affichés pour l'exercice N et N-1 sont nuls, ce qui semble inhabituel et mérite une vérification approfondie afin d'exclure une erreur de saisie ou une approche méthodologique contestable. Pour information, les ICNCE dans le compte administratif 2022 et 2023 n'étaient pas nuls. Un déséquilibre préoccupant entre fonctionnement et investissement. L'analyse des résultats met en évidence une disparité notable entre les sections de fonctionnement et d'investissement. D'un côté, la section de fonctionnement affiche un excédent conséquent de 10,4 millions d'euros pour 2024. Mais de l'autre, la section d'investissement présente un déficit de 6,8 millions d'euros. Cette situation interroge sur la cohérence de notre gestion financière. Si l'excédent en fonctionnement est en partie absorbé par des reports négatifs en investissement, cela conduit à un déséquilibre global qui fragilise la capacité de la commune à investir durablement. De plus, le mode de financement des investissements repose fortement sur l'emprunt et des revenus exceptionnels. Vente de biens, exemple, marché de la ferraille ou des dotations ponctuelles. Cette dépendance accrue à des ressources externes masque une capacité d'autofinancement insuffisante et soulève des questions sur la soutenabilité de notre trajectoire budgétaire. D'ailleurs, le CFU projette un emprunt réduit en 2025, avant une hausse en 2026 qui suggère une planification financière à revoir pour assurer la stabilité et la prévisibilité de nos finances locales. Une vigilance nécessaire sur la masse salariale et la gestion des effectifs. Si la gestion de la masse salariale semble stable, l'optimisation de la structure des effectifs reste un enjeu clé. Il est impératif de veiller à ce que le recours aux contractuels ne se transforme pas en une charge budgétaire supplémentaire à long terme, mettant ainsi en péril l'équilibre financier de la commune. Une meilleure anticipation des besoins en personnel et une politique en recrutement plus stratégiques doivent être envisagés pour garantir un service public efficace et pérenne, et ainsi un bien-être de nos agents de la ville qui font de leur mieux pour répondre aux besoins de la population, même si cela est difficile. Pour une gestion budgétaire plus transparente et responsable, si les CFU présentent un progrès en matière de simplification et de modernisation des finances locales, son exploitation doit se faire avec vigueur et vigilance. L'absence de comparatifs nationaux, les anomalies comptables relevées, les déséquilibres entre fonctionnement et investissement, ainsi que la dépendance au financement externe sont autant de signaux d'alerte. Il est de notre propre responsabilité, en tant qu'élus, de demander des clarifications et d'exiger des ajustements pour garantir une gestion budgétaire plus transparente, plus d'équilibre et durablement soutenable. Des résultats financiers en dégradation dans le CFU. Des signaux d'alerte sur la solidité financière. Nous avons un excédent reporté 2024 de 4 338 268,17, en baisse de 34% par rapport à 2023, qui se chiffrait à 6 534 485. Nous avons un fonds de roulement de fin d'exercice 2024 de 3 246 323, en baisse de 47% par rapport à 2023. Charges à caractère général, chapitre 11, 13 424 889,18, en baisse de 10% par rapport à 2023, 14 854 200. Le niveau d'endettement, il est de 1,47 années de recettes de fonctionnement nécessaires pour rembourser la dette. Capital restendu de la dette, 142 857 965 euros. C'est-à-dire que l'endettement correspond à une fois et demie l'ensemble des recettes de fonctionnement de la ville. Des anomalies comptables et un manque de transparence sur le CFU, je relève l'absence des vues détaillées issues du comptable, notamment sur les postes clés que B1, dépenses d'investissement, B2, recettes d'investissement, D1, dépenses de fonctionnement et D2, recettes de fonctionnement. Trouvez-vous cela normal ? Nous aimerions comprendre ce qui se cache derrière ces chiffres, surtout s'il nous parle de transparence budgétaire. Ces interrogations nous amènent à nous abstenir en faveur du CFU. Merci. Merci, Monsieur Chaillet. On a bien pris note de votre intention de vote. Permettez-moi de commenter vos propos. Tout d'abord, je suis surpris. Certes, il y a une litanie de chiffres et je pense que malheureusement, beaucoup de personnes ont dû s'y perdre. Ce n'est pas simple. Mais surtout, ça cache le fait qu'il y a plein d'inepties dans votre intervention. Et permettez-moi de les relever. Tout d'abord, le CFU, puisque vous semblez dire qu'il n'est pas totalement transparent, est émis par le Trésor public. Il est donc, à mon avis, impensable de penser que le Trésor public veuille cacher des choses. Ça, je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Ensuite, vous critiquez la structure avec des manques de référence. La structure du CFU, pour votre information, est élaborée par l'État. Elle est donc non modifiable par la commune dans un souci d'homogénéisation sur l'ensemble du territoire, j'imagine. Donc ça, c'était pour la partie... Bon, je vois où vous voulez en venir. Peut-être que l'administration, ou peut-être que certains élus, parce que vous faites partie de la majorité, voudraient cacher des choses. Non. C'est totalement transparent. Et vous-même, je vous le rappelle, parce qu'on pourrait s'y méprendre, que vous faites partie de la majorité, vous étiez au bureau municipal et vous avez toute l'occasion d'émettre des critiques. Mais il est parfois plus simple d'émettre des critiques en conseil municipal parce que se cachent derrière cela peut-être d'autres ambitions. Maintenant, après, sur la dette, puisque vous êtes intarissable dessus. Oui, c'est normal, effectivement, enfin, vous semblez le découvrir, que l'excédent de financement vienne financer l'investissement. Ben oui, mais c'est très bien. Alors là, je pense qu'on est, sommes totalement raccord. Il est normal de dégager une CAF, une capacité d'autofinancement, pour aller financer la partie investissement. Parce que à quoi cela permet-il ? Ben peut-être à moins emprunter. Et c'est ce que vous recherchez, je crois, M. Chaillère, de moins emprunter. C'est votre cheval, de bataille. Un peu comme si on était dans une entreprise privée. Désendettons. Mais peut-être faut-il se poser la question plus loin. Je me rappelle avoir eu ce discours avec M. Stalins lors du précédent conseil municipal. On peut parler de la dette, c'est intéressant. Mais moi, j'aime bien pousser la question un tout petit peu plus loin. Et je pense que nous l'aurons aussi tout à l'heure sur une autre délibération. À quoi sert la dette ? Parce que vous êtes libre de voter contre les emprunts. Mais votez contre, M. Chaillère. À ma connaissance, vous ne l'avez jamais fait. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une petite voix au fond de vous-même qui vous pousse à nous accorder ces crédits, parce que ce n'est pas le maire dans son bureau qui signe des papiers bancaires tout seul. Vous avez bien voté, M. Chaillère, ces emprunts. Nous sommes bien d'accord, vous les avez votés. Et là, aujourd'hui, vous venez et vous nous dites « il ne fallait pas ». Bon, donc, sur ce sujet-là, bah oui, dites-le, si on n'emprunte pas, quelles sont les conséquences ? Pas d'enrues, pas de rénovation des quartiers. Donc vous allez après aller voir les habitants des quartiers des Malassis, vous allez aller voir les habitants des quartiers de Lanoux. C'est quand même beaucoup de personnes, et vous leur dites « Manon, nous n'interviendrons pas, parce que j'ai un cheval de bataille, c'est la dette ». Voilà, je n'irai pas plus loin, parce que je me suis déjà longtemps exprimé sur ce sujet-là. Et oui, la ville vend des parcelles communales, mais rien de nouveau non plus, monsieur Chaillère. Vous semblez le découvrir ce soir, mais j'imagine là aussi qu'il y a une posture. Mais il y a une stratégie de la ville sur la vente des parcelles qui a été donnée en bureau municipal, qui a été approuvée par vous-même et par vos collègues. Et vous savez très bien que certaines parcelles sont fléchées pour être vendues. Et à quoi ça sert de vendre ces parcelles ? Bah, à moins emprunter. Donc vous êtes incohérent, mais je ne suis pas surpris par cela. Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Vionnet. Oui, bonsoir. Je vais intervenir de manière relativement brève parce que je pense que le débat important est à venir sur le budget et que là, on est d'abord dans la constatation d'un état de fait d'arrêter des comptes. On va sans doute reparler de la dette sur le budget. Cela dit, je voudrais un petit peu nuancer ce que je viens d'entendre. Puisqu'on sait que les projets des Malassis et de la Noue, et heureusement, font l'objet d'une convention en rue avec des financements très conséquents, que c'est d'ailleurs l'essentiel des financements d'investissement de la ville, des subventions d'investissement dont bénéficie la ville, et que du coup, la corrélation immédiate avec la dette n'est pas si claire que ça. Et moi, ce n'est pas la première fois ce soir, c'est depuis 2020 que je pose de manière récurrente la question de l'utilisation précise de l'endettement annuel. Après, juste une remarque complémentaire sur le budget de fonctionnement. Là aussi, si je commence par les subventions, il n'y a quand même pas d'évolution notoire, parce que vous nous dites assez régulièrement que vous cherchez à recueillir des subventions, et on veut bien vous croire. Mais quand, par exemple, on regarde les subventions en fonctionnement, elles ont plutôt en part relative, elles se sont plutôt réduites, puisqu'elles sont en 2024 de 11 millions sur 96 millions d'euros, si mes calculs sont bons. Elles étaient de 12 millions sur 84 millions d'euros en 2020, donc elles ont plutôt régressé en part relative. Après, et c'est un constat de fait, ce qui améliore les recettes de fonctionnement, c'est le poste qui correspond aux impôts et taxes. Donc vous avez dit au tout début que vous n'aviez pas que c'était une décision gouvernementale que vous n'aviez pas augmenté en 24, mais on se souvient, et je pense que les bagnoletais, en payant leurs taxes foncières, se souviennent que par contre il y avait eu avant une forte augmentation et qui avait été décidée par vous, et en tout cas là, les chiffres sont assez clairs, hein, je fais que répéter vos chiffres. Sur ces postes d'impôts et taxes, on avait des recettes cumulées qui en 2020 étaient de 63 millions d'euros, si je ne m'abuse, et qui sont de 78 millions d'euros aujourd'hui. Donc on voit bien que l'évolution essentielle, elle vient de là. Donc voilà, moi, mes quelques petites remarques, mais je pense que le débat sur les orientations financières, on va les avoir dans peu de temps sur le budget. Oui, tout à fait, Monsieur Viona. Et puis le maire sera là, et je pense que tout le monde sera content de son retour. Permettez-moi de vous féliciter. Merci beaucoup, Monsieur Viona. D'abord, il est vrai. Ne demandez pas tant. Écoutez, ça me fait plutôt plaisir de vous le dire, et ça me fait plutôt plaisir de vous rebondir. Oui, effectivement, il y a peut-être un élu parmi nous qui a peut-être un peu moins bien travaillé que les autres et qui, malheureusement, fait qu'il y a un peu moins de subventions. Il y a un élu aux subventions, il a fait une intervention éloquente tout à l'heure. Il serait bien qu'effectivement, quand il planche avec autant de sérieux et autant de détails sur le CFU, qu'il planche avec le même dynamisme sur la recherche de subventions, parce que moi, je vous rejoins, c'est important, les subventions pour une ville comme Bagnolet, qui est endettée, encore une fois. Et quand le sujet, c'est le désendettement, qui est, encore une fois, le cheval de bataille de M. Chahir, et je peux comprendre que ça lui tient à cœur, moi, un peu moins, parce que je pense qu'il y a des conséquences derrière tout ça qui seraient catastrophiques pour la ville. Mais quand on est élu à la recherche de subventions, effectivement, on attend plus de résultats de M. Chahir. Juste une chose, M. Pape, si je puis me permettre, je vous remercierai de ne pas me prendre à témoin de vos règlements de compte internes. Et puis, je ne l'ai pas dit au début, mais je l'ai pensé, donc vous m'offrez l'occasion de le dire. On a été souvent l'objet d'attaques au sein de l'opposition assez frontales, où les seules réponses sur le fond qu'on avait, c'était « vous dites n'importe quoi » ou des choses comme ça. Bon, j'ai bien noté que depuis deux ou trois conseils, l'ambiance était plus soft, mais du coup, je n'apprécie pas plus les attaques qui ont pu être celles contre nous et qui ne traitaient pas du fond que quand, comme réponse principale aux propos de notre collègue Hamid Chahir, vous parlez d'ineptie. Je pense que l'emploi du mot ineptie ne démontre rien. C'est pour ça que j'ai continué mes propos derrière. mais c'était des inepties. Et je vous remercie encore une fois, effectivement, d'avoir soulevé qu'il y avait moins de subventions sur une ville. Et je suis d'accord avec vous, Monsieur Vionnet, sur le fait qu'une ville comme Bagnolet, qui est endettée, doit avoir davantage de subventions. Et maintenant, sur l'ANRU, parce que j'avais oublié cette partie-là, oui, on peut être fier, je vous remercie, parce qu'en fait, tout compte fait, vous nous dites qu'on a bien travaillé sur le fait qu'on est une des communes qui a reçu le plus de subventions au niveau national de l'ANRU. Et je pense que ça, n'importe qui nous écoute peut être fier du travail qui a été effectué par les services, par le territoire, par la commune, par les élus, pour avoir un maximum de subventions de l'ANRU. Parce qu'encore une fois, c'est très concret. Ce matin, nous étions en train, le maire était en train d'inaugurer la première pose de la première brique de la piscine des Malassis. Tout ça, ça s'inscrit dans un programme, c'est-à-dire qu'au-delà des règlements de compte que vous évoquez en conseil municipal, il y a quand même du concret sur le terrain. Et effectivement, derrière les chiffres et derrière les subventions se cache, non pas se cache, mais se montre le fait qu'on transforme tout le quartier des Malassis, tout le quartier de Lanoue. Donc ça sert à ça, l'endettement. Et c'est ça que je voulais marquer tout à l'heure dans mon propos. Y a-t-il d'autres remarques ? Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Juste deux remarques très brèves. La première, c'est pour corriger une exactitude. À Mitchère, il n'a pas voté les emprunts in fine. Les emprunts in fine, ils ont été votés sous le précédent mandat. Ni Annie Mitchère, ni aucune personne de notre groupe ici présent n'a voté ces emprunts. Donc voilà, on assume l'ensemble de la politique municipale, mais il ne faut pas exagérer non plus. Deuxième chose sur le sens de notre vote, de notre abstention sur le vote concernant le CFU, c'est tout simplement, on ne remet pas en cause ni la probité des services financiers de la ville, ni la probité du comptable public. Voilà, le CFU, il consiste à rapprocher le travail des uns et des autres. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une vue, ce rapprochement, il existe bien pour la vue générale, mais on n'a pas les informations détaillées. Voilà. Et donc, ça ne nous convient pas. Alors, c'est vrai que ce changement de mode, etc., prête à ça, mais là, du coup, on s'y retrouve pas. On ne retrouve pas des informations qu'on aimerait retrouver, qu'on a besoin de retrouver pour jouer notre rôle d'élu, qui est quand même de contrôler ce qui est fait. Donc, c'est pour ça qu'on s'abstiendra. Je crois que nous l'avions bien compris, mais c'est renoté. D'autres interventions ? Juste deux points très rapidement. Le premier, bonsoir à toutes et à tous, excusez-moi pour commencer. Le premier point, il est tout à fait classique, logique et même malheureusement inquiétant que de devoir se préoccuper de la dette de notre ville dans une municipalité, une des plus endettées de France. Donc la réflexion de mon collègue Cher tout à l'heure, Amine, a été logique. Enfin, son inquiétude est logique. En revanche, ce qui n'est pas logique, c'est votre légèreté sur le sujet. Que vous trouviez que cette dette soit normale et que vous continuiez peut-être même à la croître, m'inquiète d'autant plus. Deuxième point, nous allons voter contre simplement cette proposition, comme nous allons de toute façon voter à peu près contre tout ce qui peut concerner le budget dans cette ville, compte tenu de ce que les orientations ne nous paraissent pas être les bonnes. Voilà, je voulais juste en finir sur ce point. C'est noté. Y a-t-il d'autres interventions ? Apparemment, non. Donc je vous propose de passer aux voix. Donc qui est pour ? Qui s'abstient ? Et qui est contre ? Je vous remercie. Et je demande à Monsieur le maire de revenir au sein du conseil municipal pour le présider. Non. Il s'agit de décider de l'affectation des résultats. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Des hommes en noir, des femmes en noir? Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bien, je vais faire rire. Les gens se reconnaîtront. Budget primitif 2025. Je vous dirai après. Donc une délibération modifiée qui prend en compte les subventions aux associations qui ont fait l'objet d'un vote unanime en commission il y a quelques semaines maintenant, vous a été déposée. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le temps est venu d'examiner le budget primitif 2025 de notre collectivité. Mon introduction sera plus courte par rapport à celle que j'ai faite au cours du précédent conseil municipal sur le ROB. Et je ne doute pas un seul instant que certains souhaiteront faire de ce vote l'occasion de se distinguer de la majorité municipale. Et la discussion précédente était à ce titre fort intéressante. Mais cela n'exonérera personne d'être comptable du bilan collectif jusqu'aux prochaines échéances électorales. Il est en effet plus facile de s'épandre dans les cafés bagnoletais en expliquant tout le mal qu'on pense du budget plutôt que de venir en discuter dans les espaces de coordination de la majorité, comme ça a été encore le cas cette semaine, dont acte. Je le dis d'emblée par souci de clarté, c'est du pacte majoritaire dont il est question ici, ne pas le voter en s'abstenant ou en s'opposant, c'est de facto se mettre en marge de la majorité. C'est acter l'impossibilité de travailler collectivement, même sur une période de 12 mois. C'est donc mécaniquement la manifestation du souhait de ne plus être chargé de délégation au service des bagnoletaises et des bagnoletais pour porter une politique municipale qui découle du budget primitif. C'est cela peut-être un choix, c'est la liberté de chacun et chacune, mais au moins l'enjeu doit être clairement posé. Quelques mots seulement, parce que ce budget sur lequel nous serons amenés à nous positionner ce soir n'est que la stricte déclinaison budgétaire des orientations qui vous ont été présentées le 13 mars dernier. Quoi qu'en disent certains, il est la résultante d'un long travail collectif. 25 conférences budgétaires, 3 bureaux municipaux ont permis d'aboutir à ce résultat. 25 conférences budgétaires, 3 bureaux municipaux. Certains parfaits, mais qui constituent un point d'équilibre au service des habitantes et des habitants. Le budget qui vous est présenté ce soir comporte donc une section fonctionnant de 88 millions d'euros en recettes et 100 millions en dépenses, soit un excédent de gestion de plus de 12 millions d'euros. Comme déjà dit et comme nous nous y sommes engagés, les taux communaux de la fiscalité locale ne bougeront pas cette année, comme l'année dernière, comme l'année d'avant. Dernière augmentation date de 2022, si ma mémoire est bonne. En investissement, ce sont 44 millions en dépenses et 40 millions en recettes qui sont inscrits pour 2025. La situation financière tendue de notre collectivité ne doit pas nous empêcher d'avoir de l'ambition pour notre territoire et pour nos habitants. La question de la dette, maintenant, elle a été abordée précédemment, elle a été abordée le 13 mars, elle a été abordée à différentes reprises, elle fait couler beaucoup d'encre et certains n'hésitent pas à l'agiter comme un épouvantail pensant montrer qu'une gestion municipale en déshérence. Là aussi, n'en déplaise à ceux qui aiment jouer les Cassandres, notre collectivité se désendette. Ce sont les chiffres. Et comme disait quelqu'un, les faits sont têtus. Cette année, nous prévoyons de lever au maximum un emprunt de 3 millions d'euros, tout en provisionnant pour la première fois 1,4 million pour le remboursement du premier emprunt in fine en 2031. Par ailleurs, comme je l'ai précisé le 13 mars dernier, et sans doute n'ai-je pas été assez convaincant ou clair, les échéanciers des nouveaux emprunts levés anticipent des remboursements au capital zéro pour les années d'échéance des emprunts in fine. Autrement dit, les années où la ville devra rembourser les emprunts in fine, elle n'aura pas remboursé les emprunts nouvellement levés. Enfin, sur la gestion de la dette, notre capacité de désendettement passe de 16,5 années en 2023 à 11 années en 2024. Ce ne sont pas nos chiffres, ce ne sont pas mes chiffres, mais ce sont les chiffres de la Direction générale des finances publiques qui viennent de nous être communiqués et je vous les communique en avant-première. Alors non, vous ne me ferez pas dire que tout va bien, il ne s'agit pas là d'un exercice d'autosatisfaction. Tout ne va pas bien, beaucoup reste à faire. Nombreux sont les services publics locaux qui nécessitent d'importants investissements. Nous devons continuer à améliorer les conditions de travail des agents communaux. Nous devons poursuivre nos efforts sur le patrimoine communal qui vieillit mal et qui nécessite d'importants investissements. Nombreux sont les défis qui sont devant nous. Personne ici n'aspire. Europro, vous avez la parole. Cédric Parot. Chers collègues, je m'exprime au nom de mes camarades du groupe de la majorité municipale SSCRR. Je tiens en propos liminaire à excuser l'absence d'Émilie Trigot et de Mona Bellil, coprésidentes de ce groupe, chacune retenue par des obligations extérieures. Je resterai volontairement sur un discours global, car je sais que mes camarades, d'autres camarades, interviendront de façon plus détaillée sur leur propre délégation. Comme vient de le dire Monsieur le maire, ce soir, nous allons voter le dernier budget de cette mandature 2020-2026. C'est donc le moment opportun pour faire un bilan partiel du travail réalisé par notre groupe au nom de la majorité municipale. Alors je tiens tout d'abord à faire un rappel, à mon avis, extrêmement important aux citoyens de Bagnolet. Depuis 2020, tous les budgets, celui de 2020, celui de 2021, celui de 2022, celui de 2023, celui de 2024, ont été votés par notre groupe, mais aussi par l'ensemble des élus de cette majorité municipale. Je ne peux que me féliciter de cette synergie politique. Certes, il y a eu des débats internes, voire de sacrés désaccords, mais cela prouve bien que la parole était libre. Mais n'est-ce pas normal en démocratie quand les institutions sont respectées ? Encore une fois, cette année, le respect de la parole de toutes et de tous a été au cœur de nos débats budgétaires. Le maire a fixé fin 2024 un cadre de travail et une feuille de route pour les élus de la majorité. Il s'agit pour chaque élu, dans le cadre de sa délégation, d'effectuer une économie de 5% sur le budget de fonctionnement afin de dégager des marges de manœuvre sur le budget d'investissement. In fine, peut-être moins recourir à l'endettement. Cependant, les budgets de l'éducation, de la santé et de la culture ont été sanctuarisés et ont été maintenus au même niveau que l'an dernier. Il s'agissait là d'appliquer notre programme commun. En résumé, et ce qui me paraît le plus important, il n'y a aucune surprise. Aucune surprise. Ces objectifs ont été acceptés et respectés par les membres de notre groupe. Pour une parfaite transparence, la note de cadrage qui reprend toutes ces décisions politiques a été distribuée à tous les élus lors du précédent conseil municipal. La transparence est notre ADN. Comme cela a été le cas dans ma délégation, celle de l'urbanisme. Cette transparence a été mon fil conducteur. Tous les projets importants ont été présentés en bureaux municipaux et en réunion publique. Et quand l'unanimité n'était pas obtenue, le projet a été retoqué. Et je pense notamment, et je pense que M. Oliva en est fier, je pense notamment à Babou. À l'inverse, si le projet est développé sur la ville, alors cela signifie qu'aucun élu de la majorité ne s'y est opposé. Cela mérite d'être souligné. Peu de communes avancent avec une telle transparence. Encore faut-il aussi un peu de cohérence en politique. On ne peut pas se plaindre de manque d'explications sur certains dossiers et ne pas participer aux commissions dédiées. Et on ne peut pas se plaindre d'un manque de débat et de ne pas venir en conférence de président de groupe de la majorité pour préparer ce conseil municipal sans même prendre le soin de s'excuser. Je voudrais maintenant évoquer la dette de la ville. Certes, il y a eu le débat tout à l'heure, et qui ne manque jamais de faire surréagir l'opposition. Il est inutile de vouloir effrayer la population. Il est plutôt responsable d'expliquer à quoi sert la dette et de rassurer les citoyens. Concrètement, année après année, la ville emprunte de moins en moins. Oui, la ville a eu recours à des emprunts fixes, mais ce n'est pas de l'argent gaspillé ou jeté par les fenêtres, comme on pourrait le comprendre à travers certaines interventions, c'est de l'argent investi pour l'avenir de nos enfants. Quelques exemples. Celui qui date de l'ancienne mandature, oui, c'est vrai, mais ça compte. Effacer les fameux emprunts toxiques avec leurs taux variables dangereux pour la commune. C'était en 2014 et c'était déjà sous Tony Di Martino. Effectuer le plan de rénovation urbaine volet 1 à l'ANOU. Lancer le vaste plan de rénovation urbaine au Malassis avec la destruction de la dalle et terminer le volet 2 à l'ANOU. Ou construire de nouveaux équipements publics comme des écoles, un dojo, une piscine, un conservatoire. Les premières pierres ont été posées ce matin même par Monsieur le maire. Alors fallait-il ne rien faire ? C'est la question que je posais tout à l'heure à Monsieur Chaillant. Oui, fallait-il ne rien faire ? Point d'interrogation. Vous auriez reproché à grands cris notre immobilisme. Alors, autant faire les choses, quitte à se faire critiquer. Mona Bellil pour le sport, Merlana Georges pour la culture, et moi-même pour l'urbanisme, nous pourrons présenter un bilan positif. Notre groupe est ancré dans la réalité des Bagnoletaises et des Bagnoletais. Nous assistons à tous les conseils de quartier animés par Émilie Trigault. Nous savons bien que nos concitoyens attendent un service public plus efficace. Mais nous sommes définitivement de gauche. Nous sommes définitivement de gauche. Et notre groupe ne considère pas que les services publics, comme on a pu l'entendre lors du précédent conseil municipal, soient un coût pour la collectivité. Non, ce n'est pas un centre de coût qu'il faudrait réduire par coupe franche. Il s'agit de fonctionnaires ou de contractuels dévoués à la ville. Le maire, Tony Di Martino, a présidé tous les CST de cette mandature et mène depuis plusieurs mois maintenant un dialogue direct avec les agents. Pour finir, ce conseil municipal, avec le vote du dernier budget municipal de cette mandature, est forcément un peu spécial. C'est un moment charnière. À travers les lignes budgétaires, c'est à la fois un bilan des actions passées et aussi une promesse d'avenir. Le maire et les élus de notre groupe ont encore de l'énergie à revendre, ont beaucoup d'ambition pour la ville et portent de grands projets. Je pense notamment à l'enfouissement de l'échangeur avec la signature du PPA qui a pour but de protéger les riverains directs contre les effets nuisibles de la pollution, de verdir, de réunifier Bagnolet Sud et Bagnolet Nord, de bénéficier d'une circulation douce pour se rendre à Paris. Seuls quelques irréductibles sont contre. Je leur dis avec la plus grande détermination, après la porte des Lilas, après la porte de Montreuil, c'est le tour de Bagnolet. Le maire porte ce projet depuis plusieurs années afin de venir en aide à une population très exposée, très vulnérable, notamment à la capsulerie. Le second copil de l'étude d'impact santé cet après-midi même, est malheureusement sans appel. La situation sanitaire est urgente, il faut agir. Autre exemple, les études pour la construction d'un nouveau centre municipal de santé débutent cette année, car il est important, et nous en sommes fiers, de conserver cet héritage communiste. Et je pourrais enfin parler, dernier exemple, la construction d'un nouveau groupe scolaire à Langevin, à la capsulerie. Après tous les efforts sur les Malassis et à l'ANOU, il est grand temps de passer à l'action dans ce quartier. En conclusion, et comme j'aime le dire, Bagnolet avance. Merci Cédric. D'autres interventions, Jean-Claude Oliva. Merci Monsieur le maire. Avant d'en venir à mon intervention de fond, une petite remarque, c'est sur la délibération qui nous a été remise sur table. C'est une petite manipulation, ça. On a fait pareil l'année dernière, Jean-Claude. On a fait pareil l'année dernière. On fait voter sur le budget et sur le chapitre 65. Excuse-moi, ce que je vois dans ce qui nous a été envoyé, et donc il n'y a pas eu de changement depuis, c'est qu'on a un vote séparé sur le budget, la subvention au CCAS et la subvention sur les associations. Oui. Et là, on nous remet tout dans la même délibération. Moi, je trouve que c'est pas. Jean-Claude, tu as mal lu. On peut le retrouver sur Xbus des maths, là. Jean-Claude, j'ai vérifié. Non, Jean-Claude, j'ai vérifié, les mensonges, ça suffit. J'ai vérifié. Les mensonges, j'ai ça vérifié, suffit. On j'ai va vérifié, voter sur le BP sur et Xbus on aura une maths. Délibération. Pourquoi c'est une délibération sur table, ça ? Jean-Claude, les mensonges, donc, ça suffit. Donc, on va voter sur le BP et on votera sur le chapitre 65. Par une délibération. Voilà, moi, ce que je demande, comme on l'a fait l'année dernière, Jean-Claude, on va demander aux élus qui sont concernés par une association de sortir, comme on le fait chaque année depuis 2020. Mais ça il n'y a aucun problème. Ce que je demande, c'est que les trois articles de la délibération soient votés séparément. C'est tout. Parce que peut-être on est un certain nombre dans cette salle à ne pas avoir le même vote sur les différents articles. Et j'ai pas envie qu'après on me dise ah oui mais tu as voté contre une subvention aux associations. Il y a un vote sur le budget. Ouais. Et il y a un vote séparé sur les associations. Soit détendu. D'accord. Donc voter contre le budget c'est voter pour les associations. Eh ben d'accord. Bah donc on vote les articles. C'est ce que je viens de te dire. C'est ce que je viens de te dire. Eh ben d'accord. Dans ce cas. Le budget et les associations et on a fait la même chose l'année dernière et la même chose l'année d'avant et la même chose l'année d'avant. Donc soit détendu. Je suis détendu, mais vu ce qu'on a sur la délibération qu'on a sur table, ce n'était pas évident, donc je te remercie. Donc j'en viens à mon intervention principale. Effectivement, le vote du budget, c'est un acte politique majeur. Ça signifie un accord avec la politique qui est menée et la façon dont cette politique est menée. Et donc il y a un lien étroit entre le budget et la politique suivie. Voilà. C'est vraiment, si on n'est pas satisfait par la politique menée, on vote contre le budget. C'est la règle générale. Alors, il y a toujours des exceptions. Hein. Vous vous souvenez, si pour ceux qui suivent un peu la politique nationale, le Parti socialiste, il y a quelque temps, à l'Assemblée nationale, a voté une motion de censure contre le budget d'austérité de M. Barnier. Et quelques semaines après, il n'a pas voté la motion de censure contre le budget d'austérité de M. Bayrou. Donc là, c'était plutôt des considérations politiciennes. Mais en général, il y a une cohérence politique. Et effectivement, enfin, pour nous, ça sera le cas en tout cas. Et que, comme ça a été également dit, en plus de l'importance générale du budget, du vote du budget, ce soir, il y a une dimension particulière qui fait que c'est le dernier budget de cette mandature, avant les prochaines élections municipales. Donc c'est donc le moment de dire où nous en sommes et de porter une appréciation sur le chemin suivi depuis 5 ans. Alors pour ce qui nous concerne, les écolos solidaires, citoyens et radicaux, il y a 3 motivations essentielles qui nous ont amenés à faire une alliance avec le maire sortant en 2020. La première, sans surprise, la première motivation, c'était l'eau. Réaliser la gestion publique de l'eau au niveau d'Est Ensemble. Absolument, le verre d'eau. Et à ce niveau-là, le verre d'eau, il est bien rempli. Donc, il y a eu une décision politique à Est Ensemble, à l'unanimité, de passer en régie publique, de créer une régie publique en 2022, avec le soutien de tous les maires communistes, les maires socialistes, le maire écolo, bien sûr, et même le maire de droite. Donc, cette régie, elle est opérationnelle depuis janvier 2024. Il y a un changement de tarif. Et donc, aujourd'hui, on a un des tarifs les moins chers d'Île-de-France, si ce n'est le moins cher. Donc, c'est bon pour le service public, qui préoccupe Cédric Pape, et qui me préoccupe moi aussi. Et c'est bon pour le pouvoir d'achat. Et je n'oublie pas le soutien du maire de Bagnolet depuis 2018, et je l'en remercie encore. Je n'oublie pas non plus ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'entre 2010 et 2018, le principal obstacle au choix de la gestion publique, ça a été quand même le Parti socialiste qui a fait bloc pour retourner au CEDIF. Sans ça, on aurait pu créer une régie publique 10 ans plus tôt, en 2012, à peu près en même temps qu'au de Paris. La seconde motivation qui nous a fait choisir de rejoindre le maire sortant en 2020, c'est la bifurcation écologique de la ville. De ce point de vue, Pour nous, le verre est à moitié vide. Bien sûr, des expériences intéressantes ont été menées. Tout n'est pas à jeter, loin s'en faut. La collecte des eaux de pluie dans des fosses, la végétalisation, la plantation d'arbres rue Raoul-Berton, le remplacement de places de stationnement par des arbres rue Charles-Grindorge, les noues végétales installées avec la réfection de la rue des Rigondes, la désimperméabilisation de plusieurs cours d'école, le plan vélo, tout ça, c'est des expériences intéressantes qui doivent être poursuivies, généralisées, développées. À noter que ce verre à moitié plein tient beaucoup aussi à Est Ensemble et au groupe écologiste d'Est Ensemble dont je fais partie. On pense au Grand Chemin, on pense au plan Arbre. Mais si on essaye de faire, et je viens au verre à la moitié vide, si on essaye quand même de faire le bilan global sur Bagnolet, on voit bien que ce n'est pas suffisant. On a désimperméabilisé d'un côté et on a bétonné de l'autre. Bagnolet s'est encore densifié. L'écart s'est accru avec les villes qui ont pris résolument un tournant écologique, comme Paris ou même comme les Lilas. La troisième motivation qui nous a fait rejoindre le maire sortant en 2020, c'est l'union et la réconciliation des gauches et des écologistes profondément divisés de longue date à Bagnolet. Et là, le verre est désespérément vide. J'entends aujourd'hui de beaux discours sur l'union, mais il y a les discours et les actes. En nous alliant dès le premier tour de 2020 avec le maire sortant, nous avons fait un acte fort dans le sens de l'union. Mais ensuite, tout au long du mandat, nous nous sommes heurtés à un maire qui a fait de la division sa pratique permanente, sa marque de fabrique. Division entre les élus, division entre les groupes, jouant les services contre les élus, les habitants des cités contre les habitants des pavillons, les habitants des coutures contre les commerçants des puces, etc. etc. Pour mémoire, je voudrais aussi rappeler quelques faits qui ont jalonné ce mandat. La démission de la directrice de cabinet qui avait été la cheville ouvrière de notre campagne chaleureuse et victorieuse en 2020. La démission, membre du Parti socialiste, la démission du premier adjoint, adjoint aux finances, membre du Parti socialiste aussi. Le retrait de délégation à El Hamcher suite à l'expression d'un désaccord. Deux retraits de délégation à Edith Félix suite à l'expression de désaccord. Le recours au tribunal administratif pour demander la démission d'office de deux élus, Elam Cher et Hamid Cher, et qui était à l'époque dans le groupe du maire. Heureusement, fort heureusement, le tribunal administratif a débouté la ville. Au-delà de la question de l'union qui nous tient à cœur, cela relève d'un autre registre qui est aussi important pour nous qui sommes un collectif citoyen. Ce registre, c'est celui de la démocratie et du partage des pouvoirs. Les institutions donnent beaucoup de pouvoir au maire, mais pour celui de Bagnolet, ce n'est jamais assez. Outre le mandat de maire, il accumule les délégations au personnel, aux finances, la communication. Il exerce directement son contrôle sur le CCAS en lieu et place de sa vice-présidente. Il signe les arrêtés de voirie, etc. etc. Bref, c'est l'homme orchestre. Ce fonctionnement est problématique, car quand tout passe et tout est décidé par un seul homme, tout prend plus de temps et les décisions ne sont pas partagées. Et lui-même n'a sans doute pas assez de temps pour se pencher sur les questions stratégiques pour notre ville. Pour terminer, j'en reviens au budget, car ce fonctionnement délétère pèse fortement là aussi. Au dernier conseil municipal, j'ai critiqué l'absence de construction collective du budget. Et donc, je vous rappelle les faits. Au bureau municipal du mois d'octobre, on a une lettre, la proposition d'une lettre de cadrage budgétaire qui n'est pas un document politique, mais qui est un document purement comptable, purement arithmétique, où on nous propose d'appliquer une règle de calcul de moins de 5% à toutes les dépenses générales du service public, à l'outil pour permettre aux agents de travailler et de rendre service aux habitants. On nous parle beaucoup du budget, de Barnier, etc., du contexte national, d'accord. Mais il n'y a pas de discussion sur les priorités politiques locales, même si, effectivement, il y a quelques exceptions qui sont concédées. Telle chose ne sera pas soumise aux 5%, etc. Et ensuite, la conférence budgétaire qu'évoquait le maire tout à l'heure, en fait, c'est chaque service, se retrouve avec son élu et avec le maire qui, lui, est partout. C'est ça la conférence budgétaire. Il n'y a pas d'arbitrage collectif. Et enfin, on a un retour à une présentation globale sous forme d'Europe. Et alors, à ce niveau-là, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est éventuellement des amendements sur des points de détail, mais toujours pas de construction collective. Je note qu'en début de mandat, en 2020-2021, il en allait tout autrement. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort pour un exercice partagé et pour une construction collective du budget, avec en point de départ une discussion sur nos priorités. Et dans chaque direction, il y avait une représentation, ce qui a été appelé tout à l'heure la conférence budgétaire, direction par direction. Ce n'était pas le maire et l'élu, c'était le maire et tous les élus, ou tous leurs représentants, les représentants des différents groupes. Donc il y avait quelque chose de beaucoup plus collectif. Et après, il y avait un retour au global. Donc voilà, ce qui montre qu'on peut avoir, même à Bagnolet, une construction plus démocratique du budget. Donc cette appréciation globale sur les politiques menées depuis 2020 et de façon indissociable sur la méthode appliquée explique notre vote de ce soir qui sera contre le budget présenté. Mes collègues reviendront sur plusieurs points du budget particulièrement problématiques. Alors je voudrais faire un dernier point pour terminer, c'est que se passe-t-il si le budget est rejeté ? Alors pour ceux aussi qui suivent l'actualité politique nationale, vous vous souvenez là, quand Barnier était sur la sellette, la catastrophe que ça allait être si le budget était rejeté. Vous vous souvenez des déclarations de Mme Borne qui nous expliquait que les salaires n'allaient pas être versés. Voilà, c'était le cataclysme, la catastrophe absolue. Ici, c'est donc. Et vous vous souvenez aussi que le vote du budget Barnier, le budget Barnier a été censuré et qu'il ne s'est rien passé. Enfin, sauf qu'après, on a malheureusement eu le budget Bayrou. Donc, rien de dramatique à attendre si le budget était rejeté. Pas plus qu'au niveau national. Les salaires continueront à être versés, les subventions aux associations aussi, le remboursement des annuités de la dette pour ceux qui sont préoccupés par la dette continuera, etc. Les dépenses, les projets en cours aussi. Donc, pas de conséquences, il ne faut pas dramatiser et il n'y aura pas de conséquences directes, si ce n'est qu'on éviterait sans doute quelques dérives supplémentaires avant les élections municipales. Quelques éléments de réponse avant de céder la parole aux collègues. En fait, Jean-Claude, je pense que vous êtes inscrit à des formations en matière de finances publiques. Je pense qu'il faut continuer à développer, à étayer les formations parce que, effectivement, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si le conseil municipal vote contre le budget. La seule conséquence pratique, et peut-être que pour toi elle est anecdotique, c'est que c'est le préfet et la Chambre régionale des comptes qui vont régler le budget. Tout simplement. Donc je t'invite à te renseigner sur ce qui s'est passé dans les villes où le préfet et la Chambre régionale des comptes règlent le budget, les conséquences sur les vacataires, les conséquences sur les contrats, les conséquences sur les subventions aux assos qui te tiennent tant à cœur. Première explication, donc à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter les contre-vérités et les postures. Ensuite, tu parles de la lettre de cadrage. Bon, déjà, tu reconnais qu'il y a un débat politique en bureau municipal et qu'il y a une lettre de cadrage qui a fixé des orientations. Je te rappelle que pour reconnaître ça, il a fallu que je diffuse un document interne au précédent conseil municipal, puisque tu expliquais qu'il n'y avait pas eu de définition de priorité politique. Ensuite, sur la méthode, je me permets de te rappeler que la conférence budgétaire, c'est la même depuis 2020. En fait, le processus budgétaire n'a pas été modifié cette année. C'est le même processus. Les services travaillent avec la direction générale, les services travaillent avec les élus, et il y a une réunion d'arbitrage budgétaire avec les élus, le maire et l'adjoint aux finances lorsqu'il était là. Donc, en fait, on n'a rien découvert de plus. Donc, peut-être que tu peux continuer à essayer de réécrire l'histoire. Je vois bien, c'est logique. Lorsqu'on veut se différencier, on raconte l'histoire. Après, Tu parles du Parti Socialiste, tu as raison de parler du Parti Socialiste, je suis membre du Parti Socialiste depuis longtemps, tu es un militant politique aux multiples casquettes depuis très longtemps, puisque tu as changé plusieurs fois de casquette. C'est ça aussi la démocratie, hein, c'est de changer de parti, de changer d'orientation. Bon, je ne suis pas député, j'aurais voté la censure, et d'ailleurs, la députée de Seine-Saint-Denis du Parti Socialiste a voté la censure, elle était une des rares, et elle a eu raison, mais je ne parle pas de coût du service public, je ne parle pas de partenariat public-privé, je ne parle pas de ce genre-là. En fait, si tu veux, être de gauche, ce n'est pas juste un discours, c'est des actes. Voilà, si tu veux, je trouve ça assez... bah, c'est de la posture, voilà, chacun. Tu es dans ton rôle, tu veux justifier le fait de pouvoir faire conduire une liste aux élections municipales par Edith Félix, donc c'est normal que tu habilles les choses, mais voilà, c'est la démocratie, Jean-Claude. Voilà, les électeurs trancheront, il n'y a pas de problème. Cédric Pape. Oui, rien de bien étonnant dans cette prise de position, il n'y a pas vraiment de surprise. On l'a bien vu ces derniers temps, quand ton groupe ou toi, en tant que président, tu manques certaines réunions importantes où le débat peut avoir lieu. À partir du moment où tu ne viens plus et tu ne t'excuses plus, c'est que tu ne veux plus débattre. Et si tu ne veux plus débattre, c'est qu'effectivement... tu veux voter contre, donc rien d'étonnant ce soir, on s'y attendait. Par contre, j'avoue que la dernière fois, Pierre Vionnet nous disait qu'on avait l'art de raconter des belles histoires. J'avoue que toi, tu as franchi un cap, c'est que tu racontes des histoires, en fait. Elles sont même plus belles. Quand tu dis que le monsieur le maire est en surmandat parce qu'il cumule les fonctions, waouh. Alors là, je me retourne vers l'ensemble des élus de cette majorité. Puisque tu as un peu vidé ton sac tout à l'heure, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu rester entre nous. Mais bon, je préfère aller dans ce sens-là. On peut peut-être raconter une première anecdote. Enfin, celui qui était le cumulard parmi nous, merci de rigoler, parce que je pense que tout le monde a pensé ça au moment où tu l'as dit. Enfin, c'est pas monsieur le maire. Enfin, c'est bien toi, Jean-Claude, le cumulard. Là, si tu entends ce petit fond de rire là qui monte, ça veut dire que quand même tout le monde se dit qu'il avait envie de dire ce que je vais dire à l'instant. C'est-à-dire que la première dispute de cette majorité municipale, et je pense que c'est un secret pour personne, je ne vais rien révéler, c'est quand même au bout d'un mois d'élection, 15 jours me rappelle monsieur le maire, parce qu'on avait dans notre programme le non-cumul des mandats et que tu voulais être à la fois maire adjoint et vice-président d'Est Ensemble. Bon, apparemment, j'y vais trop fort. Bon. Ça nous a valu une fable. Et ça nous a valu une fable sur Internet, tout à fait, parce que, bon, à défaut de ne pas avoir de mémoire, il a un certain talent avec la plume, une petite fable pour nous dire voilà, que oui, il y avait un programme, mais il ne fallait pas le respecter. Et ça a été notre première dispute, et effectivement, nous avons réussi, l'ensemble de la majorité, à faire revenir Jean-Claude Oliva sur ce que je pense être une bonne décision, c'est-à-dire pas de cumul de mandat, pas être maire adjoint et vice-président au même moment, et il a choisi d'être vice-président. Donc là, aujourd'hui, 4 ans après, 5 ans après, oser dire cela, c'est fort de café. Merci, monsieur le maire. Alors, chers collègues, chers habitants, donc après l'examen du compte financier unique, nous abordons désormais le budget primitif 2025. Une lecture attentive des chiffres met une nouvelle fois en lumière un grave déficit de sincérité budgétaire et une gestion purement artificielle des finances municipales. Un autofinancement artificiel basé sur des ventes exceptionnelles et l'emprunt. Le budget présente un autofinancement qui repose essentiellement sur des ventes exceptionnelles et des emprunts. Sans ces recettes ponctuelles, la ville serait en déficit chronique. Ce stratagème permet de masquer les difficultés structurelles et de donner l'illusion d'une gestion équilibrée. L'autofinancement devrait provenir d'une gestion saine et rigoureuse des recettes et des dépenses. Mais ce n'est pas le cas ici. Cette situation est dangereuse. Une fois les ventes exceptionnelles réalisées, il ne restera plus de solution pour équilibrer le budget sans augmenter drastiquement les impôts ou réduire les services publics. Comparaison avec le budget primitif 2024. Alors que l'autofinancement prévu en 2024 semblait reposer sur des recettes pérennes, le CFU 2025 montre que ce sont des cessions d'actifs et des emprunts qui comblent les trous. Les produits de cession d'immobilisation en 2025 atteignent 6,1 millions d'euros, ce qui démontre encore une fois la dépendance aux ventes du patrimoine pour équilibrer le budget. Dans le budget primitif 2025, des projections contestables et des anomalies. Charges à caractère général, chapitre 11, 14 528 219 euros, en baisse de 5% par rapport au budget primitif 2024, mais en hausse de 8% par rapport au CFU. Opération d'ordre de transfert entre sections, chapitre 42, 3 409 852,86, en hausse significative par rapport au budget primitif 2024, 2,2 284 000. Bon, je ne vais pas mettre les chiffres et les virgules. Produits fiscaux, chapitre 73 et 731, 79 435 600 euros en hausse de 3% par rapport au budget primitif 2024. Produits des cessions d'immobilisation, quand j'en ai parlé tout à l'heure, 6,1 millions d'euros. Ces données montrent une dégradation de la situation financière masquée par des transferts comptables et des projections optimistes. Des investissements sous-financés, et j'en reviens comme le CFU, une dette qui explose. La ville finance ses investissements par des emprunts aggravant la dette existante. Le recours aux emprunts in fine est une bombe à retardement qui compromet l'avenir des Bagnolais. L'analyse des chiffres montre que les provisions sont insuffisantes pour couvrir les remboursements futurs. En 2031, 2033, 2035, Bagnolet sera confronté à des échéances de remboursement d'une ampleur considérable. Or, à un an des élections municipales, la municipalité décide subitement de provisionner 1,4 million d'euros par an pour la première échéance de 2031. Cette manœuvre, si elle peut sembler prudente en apparence, n'apporte en réalité aucune garantie sur le long terme. D'une année à l'autre, l'équilibre budgétaire peut être remis en cause, exposant la ville à un choix cornélien, contracter de nouveaux emprunts, ainsi alourdir encore davantage la dette, ou sacrifier les services publics essentiels au détriment des habitants. Une telle gestion ne peut être envisagée comme une stratégie pérenne. Il est impératif d'adopter une approche responsable et anticipatrice, fondée sur une maîtrise des dépenses et une optimisation des ressources pour garantir l'avenir financier de notre ville, sans compromettre la qualité de vie des Bagnoletaises et des Bagnoletais. La Cour des comptes, je le rappelle, avait mis en évidence un risque majeur, je dis bien risque majeur, pour la solvabilité de la commune en raison de ces trois emprunts souscrits, remboursables en une seule fois à l'échéance. Elle recommandait de mettre chaque année en réserve, je dis bien chaque année en réserve, 1,59 million d'euros. Pourtant, depuis 2015, rien n'a été provisionné. Ce n'est qu'en 2018 qu'une provision symbolique de 350 000 euros a été mise en place, un montant totalement insuffisant. Quand je reprends le CFU, où on dit que le niveau d'endettement atteint 1,47 années de recettes de fonctionnement, un niveau particulièrement préoccupant, c'est-à-dire que l'endettement correspond une fois et demi à l'ensemble des recettes de fonctionnement de cette ville. La projection d'un emprunt moins élevé en 2025, d'accord, c'est très bien, mais suivi d'une augmentation en 2026, ça indique une planification budgétaire déséquilibrée qui risque de fragiliser encore davantage la stabilité financière de notre ville. La gestion des ressources humaines à Bagnolet ne peut se résumer en une approche comptable déconnectée des réalités du terrain. Le taux de turnover élevé au sein des services municipaux est un signal d'alarme qu'il serait irresponsable d'ignorer. Un service public efficace repose avant tout sur des agents motivés, reconnus et accompagnés dans leur mission. Investir dans le bien-être au travail, c'est investir dans la qualité du service rendu aux Bagnoletais et réaliser à terme des économies durables en réduisant l'absentéisme et les départs précités. Or, au lieu de s'engager dans une véritable politique sociale et humaine, vous avez choisi d'appliquer, sans concertation préalable avec les syndicats, une mesure profondément injuste, l'instauration de 10 jours de carence pour les arrêts maladie, une politique dictée par le gouvernement qui frappe d'abord les agents les plus précaires et menace de s'étendre au secteur privé. Car soyons clairs, les cadres supérieurs auront toujours la possibilité de rejoindre des collectivités plus attractives qui ne mettront pas en œuvre cette mesure brutale. Bagnolet, ville historiquement attachée à la solidarité et à la justice sociale, prend aujourd'hui un tournant inquiétant. Vous avez fait le choix d'appliquer une politique autoritaire qui fragilise les agents au lieu de les soutenir. Au-delà de ces chiffres, il y a des femmes et des hommes qui, faute de pouvoir investir dans une prévoyance complémentaire, subiront de plein fouet cette décision. La gestion du personnel est un impératif, mais elle doit être menée avec responsabilité et justice. Faire des économies sur le dos des agents en cognant sur leurs droits fondamentaux, notamment en cas de maladie, n'est ni une politique digne, ni une stratégie viable, car sans la santé, nous ne sommes rien. Ça, c'est une petite aparté. Mais je voulais revenir sur des anomalies comptables et un manque de transparence. Sur le budget primitif 2025, l'annexe B3.1 relative aux provisions n'est pas renseignée, alors que les enjeux de dette sont majeurs. En conclusion, un budget insincère et une fuite en avant. Monsieur le maire, ce budget est une construction artificielle qui ne repose sur aucune base saine. Les élus qui choisiraient de soutenir ce budget devront en répondre devant les Bagnoletais à l'aube des élections municipales. Voter en faveur d'un budget insincère, c'est cautionner une gestion hasardeuse qui met en péril l'avenir de notre ville. Bagnolet mérite une gestion transparente, honnête et responsable. Il est temps d'arrêter ces artifices et de préparer l'avenir de façon sincère et durable. Et pour en finir, je souhaitais vous rappeler un point important avant de voter ce budget. Le premier maire adjoint aux finances, pour ne pas le nommer, M. Taravella, issu de votre propre bord politique, le Parti socialiste, a dressé un constat alarmant sur la gestion financière de la ville, au point qu'il a présenté sa démission et son bilan met en lumière plusieurs éléments majeurs. Un redressement initial réussi, mais un manque de consolidation. En 2014, la ville était au bord de la cessation de paiement. 17 millions d'euros de factures impayées, 12 millions de recettes insincères et une trésorerie négative. Un travail de rigueur budgétaire a permis de redresser les finances, réduction des dépenses de fonctionnement, moins 16,4% en 2015, meilleure gestion de la dette et obtention de cofinancement important, 25 millions d'euros. L'objectif était de passer de cette phase de redressement à une consolidation permettant d'investir davantage dans les services publics et les infrastructures. Une explosion incontrôlée des dépenses du personnel. Malgré ces alertes récurrentes, M. Taravella, la masse salariale a continué de croître de manière exponentielle, atteignant près de 47 millions d'euros en 2023, soit une hausse de 25% depuis 2014. Il a assumé et défendu en 2017 et en 2022 d'importantes augmentations des impôts locaux pour atteindre les objectifs précités. Mais ces augmentations étaient assorties d'un contrat moral avec les Bagnoletais et les Bagnoletaises. Cela, celui de réduire nos dépenses de fonctionnement pour mener à bien le programme qui leur avait été présenté. Or, l'essentiel des marges de manœuvre dégagées depuis 2014 et grâce à cette hausse de la fiscalité locale ont été absorbées par la masse salariale. Aucune stratégie de gestion des ressources humaines n'a été mise en place recrutement sans cohérence, postes vacants non remplacés, rotation excessive des cadres, absence de maîtrise des coûts. Il a indiqué que la qualité du travail et l'engagement des agents municipaux, dont beaucoup sont également habitants et usagers du service public local, ne sont nullement remis en question. L'immense majorité d'entre eux ont accompli ces missions avec dévouement et professionnalisme, et leur implication mérite vraiment d'être saluée. Cependant, la réalité budgétaire impose un constat clair. Bagnolet ne dispose plus ou ne se donne plus les moyens de soutenir une masse salariale aussi élevée. Une gestion responsable des finances publiques exige une vision stratégique et des choix courageux afin de préserver l'efficacité des services municipaux tout en garantissant la pérennité de nos ressources et surtout de nos agents. Un budget déséquilibré et des projets menacés. Le budget primitif est systématiquement en équilibre de justesse, reposant sur des prévisions de recettes irréalistes et une incapacité à réduire les dépenses structurelles. Les investissements essentiels, comme l'a dit M. Pape, et je suis content qu'il en a parlé, comme la rénovation des écoles telles que Paul Langevin, Jules Ferry, et comme l'a dit Taravella, sont aujourd'hui inenvisageables faute de marge de manœuvre financière. L'autofinancement de la commune est aujourd'hui largement insuffisant pour assumer à la fois le remboursement de la dette et le financement du plan pluriannuel d'investissement. D'ailleurs, revenons un instant sur ce fameux PPI. Si l'on se réfère simplement au rapport d'orientation budgétaire 2023 transmis par la directrice des finances, la municipalité s'était vantée d'avoir élaboré un PPI ambitieux de 113 millions d'euros pour la période 2022-2026. Je pense que tous les élus avaient ce robe-là à ce moment-là. Mais si on examine les faits, prenons l'exemple du projet de reconstruction de l'école Paul Langevin. En 2024, je précise bien, il était prévu 2,5 millions d'euros, puis 8 millions d'euros en 2025 et 8 millions d'euros en 2026. Or, en consultant l'Europe 2025, le chiffre inscrit pour cette opération est tombé, devinez à combien ? 400 000 euros. Nous sommes passés de 8 millions d'euros à 400 000 euros, une réduction brutale qui interroge. Même constat pour le projet futur du Collège Travail. En 2024, dans l'Europe, une enveloppe de 3,5 millions était prévue, suivie de 964 000 euros en 2025. Et que trouve-t-on dans l'Europe 2025 ? 100 000 euros à peine. Je me demande où est passée l'ambition affichée. Derrière les effets d'annonce, la réalité budgétaire en est tout autre. Des projets structurants essentiels pour nos écoles et nos infrastructures se retrouvent vidés de leur substance et une nouvelle fois, c'est la crédibilité de la planification financière qui est mise en cause. Un déni persistant et un échec politique. Depuis 2017, votre ancien premier adjoint aux finances, qui a quand même fait 9 ans avec vous, n'a cessé de formuler des propositions concrètes et structurées pour améliorer la gestion de la ville et garantir sa pérennité financière. Pourtant, ces solutions ont été systématiquement écartées au profit d'une gestion court-termiste qui met aujourd'hui Bagnolet dans une situation préoccupante. Ignorer ces alertes, c'est avoir sciemment fait le choix de l'inaction au détriment des finances locales et des services publics essentiels aux Bagnolais. Face à cette situation, le premier adjoint aux finances a jugé impossible de cautionner plus longtemps cette dérive et a présenté sa démission au préfet. Cet acte fort démontre que même au sein de vos propres majorités, la gestion actuelle est considérée comme intenable. À moins d'un an des élections municipales, les Bagnoletais doivent savoir que ce budget n'est ni sincère ni soutenable. Il est de notre responsabilité de ne pas valider un tel naufrage financier. Merci. Alors, quelques remarques avant de céder la parole à Bassindou. Je ne vais pas te faire l'injure puisque tu parles d'Olivier Taravella. Je vois Kaline Tribi qui est à tes côtés, qui a subi ce que tu as pu dire sur Olivier Taravella dès le mois d'août 2020. Donc, je pense que ça ne mériterait pas d'être cité. Donc, c'est bien que tu cites Olivier Taravella sur des sujets intéressants. On ne va pas rentrer sur ce que tu pouvais dire à l'époque, cher ami. Alors après, il y a des choses que je ne comprends pas, mais peut-être que j'aurais dû m'inscrire à votre formation en finances publiques. Tu parles d'un budget équilibré de justesse. Ça n'existe pas, un budget équilibré de justesse. En fait, un budget doit être voté en équilibre. C'est la règle de la comptabilité publique. Un budget doit être voté en équilibre. Donc, ce n'est pas un budget équilibré de justesse. Tu confonds l'autofinancement, les recettes d'investissement. Tu nous expliques qu'il faut faire des économies sur le personnel, mais qu'en même temps, on n'embauche pas assez. Tu nous parles des emprunts in fine qu'on a souscrits en 2015. Je te l'ai déjà dit au précédent conseil municipal, mais ça ne t'a pas empêché de rejoindre ma liste dès le premier tour en 2020. Ils avaient été déjà souscrits depuis 5 ans, les emprunts in fine. Donc, ce n'est pas une surprise. Donc voilà, après, moi, je veux bien, ça a été dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas assez de recettes. Effectivement, on y travaille beaucoup. Je ne doute pas que tu travailles à la recherche de recettes, puisque c'est ta délégation. Je rappelle que ta délégation, ce n'est pas recherche d'économie interne, c'est recherche de financement extérieur. C'est ça, la délégation, puisque tu as une délégation, même si on a le sentiment que tu n'en as pas. Donc voilà, il y a beaucoup d'inepties, pardon Jean-Claude, d'inepties qui ont été dites. Je pense qu'à un moment donné, quand on ne sait pas lire un document budgétaire, ça pose problème, en fait. Quand on ne sait pas lire un document budgétaire, ça pose problème. Et c'est assez inquiétant au bout d'un mandat entier. Voilà. Vassindou. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, intervenant au nom des citoyens indépendants, ce conseil municipal consacré au vote du budget est un des moments les plus importants de notre vie démocratique locale. En effet, au-delà des chiffres, voter un budget, c'est exprimer une conception de la gestion de la ville et de montrer comment on utilise l'argent public pour concrétiser dans le réel une vision politique. Pour notre groupe, les citoyens indépendants, ce budget qui maintient et renforce l'offre de services publics constitue bien plus un investissement nécessaire qu'une dette qu'il faudrait réduire pour répondre aux dogmes d'une Europe libérale prônée par certains. En effet, nous n'avons pas à nous limiter à la simple gestion du quotidien en étant la béquille d'un système économique qui crée du désastre écologique, de la misère, du racisme et de l'injustice. Notre majorité municipale exprime à travers ce budget des projections en fonctionnement et en investissement dans des secteurs clés comme l'enfance, l'éducation, la transformation écologique de l'espace public, le sport, la culture et la vie associative. Voilà pour les grands principes politiques que traduit le budget que nous allons voter ce soir. Concrètement, pour les bagnoletais et les bagnoletaises, c'est de pouvoir vivre dans une ville avec des équipements de qualité qui répondent à leurs besoins. L'objectif pour la collectivité, c'est de trouver un équilibre tout en restant extrêmement vigilant à la qualité du service public ainsi qu'aux conditions de travail des agents municipaux. Plusieurs leviers d'action sont engagés ou poursuivis, notamment la maîtrise du chapitre 012 de la masse salariale qui s'est traduit par une réorganisation du fonctionnement des services, la maîtrise des dépenses au chapitre 011, les charges courantes, à travers un programme de rénovation des bâtiments municipaux qui permet de réduire les factures d'énergie, et la recherche systématique de subventions afin de cofinancer des projets structurants pour le territoire communal. Et enfin, l'engagement politique de la majorité municipale dans une bataille contre les réformes gouvernementales visant au désengagement de l'État vis-à-vis des territoires. Ainsi donc, mesdames, messieurs, chers collègues, notre groupe va voter ce soir un budget qui concilie à la fois sérieux et ambition, un budget de résistance face aux politiques d'austérité et à ses conséquences sociales dramatiques dans la vie des familles bagnoletais et bagnoletaises. Merci. Merci, Vassindou. Juste aussi, Amit, j'ai oublié un truc. Tu as évoqué 10 jours de carence que j'aurais imposé aux agents de la ville en cas de maladie ordinaire. Sincèrement, je ne vois pas d'où tu sors ça. Sincèrement. Il y a quelques agents de la ville dans la salle. Je ne vois pas et je t'invite à lire attentivement le vœu qui a été aussi déposé sur le sujet par Ensemble pour Bagnolet. Donc 10 jours de carence, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Qui intervient ? Édouard. Bien, bonsoir à toutes et à tous. On débat donc de ce budget 2025 et donc du dernier budget de la mandature. Et c'est un budget particulièrement observé. Alors venons-en rapidement au fait. Que contient ce budget ? D'abord, des arbitrages gagnés, je veux le dire à nouveau, alors que plusieurs des délégations de notre groupe sont concernées. Éducation, nature en ville, jeunesse. Sur les questions éducatives et scolaires, par exemple, maintien des dépenses de fonctionnement, une politique d'investissement qui nous convient compte tenu des contraintes qui sont les nôtres à Bagnolet. En matière d'investissement, il faudrait faire davantage, mais nous ferons en 25 le savoir rouler à vélo avec un circuit d'initiation pour les élèves. Nous renaturerons la cour de l'école Ferry, nous amorcerons le travail pour l'école Jaurès, nous mettrons davantage de moyens sur les fournitures scolaires distribuées gratuitement aux familles à la rentrée, et j'en passe. Il y a également dans ce budget des motifs de satisfaction plus généraux sur l'action publique d'abord, et je vais prendre un exemple, l'exemple alimentaire. Ce budget permet d'accroître la part de bio dans les assiettes des élèves dès septembre, pardon, à 34% contre 20% précédemment, et c'est un effort important en matière de dépenses de fonctionnement. On va changer de fournisseur. Pour un fournisseur public, il y aura donc des investissements à la cuisine centrale, et on les retrouve dans le document budgétaire. Ces changements en matière alimentaire, je tiens à le dire, ne sont qu'une étape après l'instauration en début de mandat de l'alternative végétarienne. C'est une nouvelle étape, même s'il reste encore énormément de travail. Des motifs de satisfaction ensuite sur les données macroéconomiques, puisque l'endettement diminue et le recours à l'emprunt également. Mais il y a aussi des motifs d'inquiétude. Et je le disais il y a quelques semaines, sur les emprunts in fine, des motifs d'inquiétude qui ne sont pas levés. Et d'autre part, des opérations de vente comme ce terrain communal à 6 millions d'euros qui permet de boucler le budget et qui ne pourront pas, clairement, être renouvelés chaque année. Donc c'est à notre sens une des limites de cet exercice budgétaire. Et puis il y a des arbitrages budgétaires qu'on aurait pu faire autrement, sans rentrer dans le détail. Je pense au budget de la voirie, notamment sur la place des mobilités douces, et je ne cite là qu'un exemple. Mais je veux en venir au cœur du débat, car notre vote est attendu sur ce budget. Alors disons-le clairement, il est surtout attendu en réalité par un milieu initié, parce que au cours des dernières semaines, personne ne nous a arrêtés dans la rue pour nous demander de rejeter le budget. On nous a arrêtés en revanche sur des sujets de vie quotidienne, de logement, d'emploi, sur des sujets de vie chère, de cadre de vie, d'école, beaucoup de centres de loisirs, de nature en ville. Et si je prends que les questions scolaires, on nous a demandé tant de nous mobiliser contre des fermetures de classes décidées par l'État que pour améliorer concrètement encore les conditions d'éducation pour les élèves de Bagnolet. Mais il est vrai qu'il a flotté durant ces semaines, et je dois le concéder jusqu'à très récemment, un débat pour savoir s'il fallait voter ou non ce budget. Alors je veux d'abord en revenir tout de suite aux conséquences d'un rejet du budget avant de revenir au pourquoi. Si on venait à rejeter collectivement ce budget ce soir, ou qu'une majorité était trouvée pour rejeter ce budget, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à partir du 15 avril, le préfet saisit la Chambre régionale des comptes, parce que ça n'est pas comme le budget de l'État. Le budget de la commune, il est sous contrôle de l'État. C'est écrit, c'est normé, et on ne peut pas y échapper. Donc en réalité, ça fait peser un risque. D'abord, un risque sur nos priorités politiques, le choix, par exemple, que nous faisons d'avoir 5 centres socio-culturels dans la ville, d'avoir un centre municipal de santé. C'est-à-dire autant d'actions publiques qui ne sont pas obligatoires et que l'État ne juge clairement pas prioritaires. Et c'est, puisqu'on a quand même une longue expérience de ce qu'ont été les tutelles préfectorales, ce sont les premiers services touchés. Et puis ensuite, dans toutes les communes où le préfet reprend la main, je vous le dis, les impôts augmentent. Voilà, donc c'est pas une fatalité que les impôts augmentent, mais quand c'est augmenté par le préfet, c'est pas fait de la même façon. Et puis, pour moi, il y a un argument politique assez fondamental, c'est quelle logique trouverions-nous à demander à l'État, au préfet, de venir s'occuper de Bagnolet, alors même qu'à longueur d'année, on dénonce l'action budgétaire funeste de l'État, on dénonce le manque de transfert aux collectivités territoriales, Et puis on dénonce le manque de moyens pour l'éducation, le manque d'AESH, le manque de politiques écologiques de l'État qui se retrouvent sur nos territoires. Et je prends du coup un instant pour revenir sur pourquoi est-ce qu'on s'est engagé, notre groupe Bagnolet en commun en 2020, et pourquoi on a signé un contrat de mandature, puisqu'il a échappé à personne que nous n'étions pas sur la liste du maire au premier tour de l'élection de 2020. Il nous paraît important de faire un bilan. Et on avait un certain nombre de propositions, mais on avait aussi un credo. Le credo, c'était rendre la ville à ses habitants. Et je vais y revenir. Et nous n'allons pas dévier d'un iota de ce credo. On s'est engagé à mener un certain nombre de projets. Sommes-nous satisfaits ? Première question. Alors, sur notre feuille de route, majoritairement, oui. Mais j'imagine que d'autres le seront moins. Il nous semble qu'il y a des motifs de satisfaction, et des motifs de satisfaction d'ailleurs collectifs, on l'a dit, sur l'eau publique, sur la mutuelle communale, sur le redressement des centres socio-culturels, sur les investissements scolaires, etc. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant quand on regarde la ville et surtout quand on se compare aux autres villes ? Assurément, non. Et d'ailleurs, si nous avions été totalement aux responsabilités, est-ce que ce budget aurait été le même ? Assurément, non plus. Mais il faut dire les choses, est-ce que clairement, ce budget est pire que les précédents qui ont été votés. Non plus. Et alors, pourquoi le rejeter maintenant ? En réalité, et je pense que c'est un sujet central, il apparaît à nombre de nos concitoyennes et concitoyens que, malgré des améliorations visibles, la ville ne fonctionne pas aussi bien qu'elle le devrait. Et l'augmentation des impôts au cours de ce mandat rend cette perception encore plus aiguë. Et ce qui est attendu par beaucoup de gens dans cette salle, c'est de profiter de l'exercice budgétaire pour, en réalité, parce que c'est ça la question, censurer politiquement le maire, puisque le maire serait donc responsable de ces dysfonctionnements. Pourquoi est-ce que là, on va se refuser à le faire ? Tout simplement parce que c'est pas ça qu'on ferait si on rejetait le budget. Si on rejette le budget, on porte d'abord, faut le dire, c'est inébranlable, on porte d'abord préjudice aux bagnoletaises, aux bagnoletais, aux agentes et aux agents. Avec un budget rejeté, on fait le choix du court terme, on fait le choix d'une forme de facilité, et parfois ça démange, mais on le fait au détriment du quotidien de la population. Et il nous semble que nous ne pouvons pas, encore moins dans le contexte d'instabilité nationale, rejeter ce budget et essayer d'avoir cette censure quelques mois avant une élection municipale. Et cette censure, elle est tentante, elle est tentante pour certains, on peut l'entendre, mais je dirais même qu'on le respecte, ça n'est pas le choix que nous faisons. Notre objectif, c'est que la ville fonctionne, notre objectif, c'est que les 11 mois qui nous séparent de la fin de ce mandat soient utiles. Et notre objectif, surtout, surtout, c'est de maintenir le service public à la population, l'ensemble du service public à la population. Alors au final, nous allons voter ce budget, car Bagnolet n'a pas un problème de budget, mais plutôt un problème de méthode du maire. Et c'est pour ça qu'en réalité flotte le souhait dans la salle d'une censure politique. Oui, c'est exact que le maire s'est placé en situation d'isolement politique en se coupant d'une grande partie de sa majorité depuis la mi-mandat, y compris de membres de son groupe politique. Et oui, effectivement, ça gêne la bonne exécution de certaines des politiques publiques. Oui, nous attestons aussi qu'il s'est placé en situation de relatif isolement administratif, puisqu'un grand nombre de cadres démissionnent avec une telle régularité d'ailleurs que leur renouvellement nous fait perdre un temps précieux et fragilise la structure de l'administration communale. C'est vrai. Et il y a un isolement avec certains partenaires, parce que nous perdons des arbitrages, où un certain nombre de grands travaux qui devaient être menés sont retardés ou n'adviendront pas. Mais tout cela, ça relève d'une pratique du pouvoir. Et on peut la dénoncer. J'avais fait mention ici, il y a quelques semaines, de problèmes de transparence, d'ailleurs, qui s'ajoutent à ce que je viens d'évoquer avant. Et il nous semble que ce sont des problèmes de pratique de pouvoir qui gênent l'action publique, mais pas d'un problème de budget qui justifie aujourd'hui un rejet de ce budget. On est à 11 mois d'une élection municipale. Et donc, pourquoi bloquer un budget alors qu'on pourra sereinement avoir un débat sur l'avenir budgétaire, politique, administratif, que sais-je, et faire émerger une alternative. J'ai parlé du credo de rendre la ville à ses habitants. Rendre la ville à ses habitants, c'est rendre la décision à l'ensemble de la population. C'est la consulter sur le chemin que doit suivre la ville. Et donc c'est aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais de décider si le chemin suivi aujourd'hui leur convient ou si on peut faire mieux et surtout si on peut faire autrement. Et il faudra, je l'ajoute, puisque les questions budgétaires centrales vont se poser dans la mandature qui suivra, peu importe qui s'en chargera, de 2026 à 2032, il faudra, à notre sens, changer de braquet et construire les conditions d'une meilleure implication des Bagnoletaises et des Bagnoletais sur les questions budgétaires, qui en fait ne sont pas des questions budgétaires, qui sont des questions de vie collective, de comment on organise la cité, de quels moyens on se donne. Et en réalité, j'en termine par là, il y a des enjeux colossaux dans cette ville. On doit y faire face. Et ces enjeux, ils ne se règlent pas par l'action d'une seule personne. Ils ne se règlent pas par une succession d'annonces électorales ou de promesses. La ville, elle mérite qu'on joue collectif. Et il n'y a que collectivement qu'on parviendra à faire mieux, encore mieux, et nous nous y emploierons. Oui, merci Edouard. Je salue l'analyse. J'ai su mettre les bons mots sur ce qui se passe ce soir. Et effectivement, il y a un jeu de posture. Je pense que tout le monde, de toute façon, au sein du conseil municipal, souscrit à tes propos. Il y a des élections dans 11 mois. C'est dans 11 mois qu'effectivement, il faudra rendre la parole aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais, et non pas ce soir. Il y a confusion des genres, je pense, de certains élus. Parce que j'ai envie de dire, que s'est-il passé cette nuit ou la nuit dernière ? Comment peut-on, et je souscris tout à fait à tes propos, voter le budget de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, et hop là, cette nuit, tout d'un coup, pouf, il se passe quelque chose de dramatique, à avoir même des termes dans certains discours de bombe à retardement. Waouh ! Enfin, je ne savais pas que la situation était si catastrophique. Par contre, je souligne sur un point de désaccord entre nous, sur l'isolement. L'isolement, en fait, c'est une posture interne ici, parce qu'il y a les élections dans 11 mois, hein. Parce que les isolements, en fait, on voit bien comment ils se discernent. Moi, quand je participe aux grands travaux que tu évoquais tout à l'heure, et en plus, je sais que tu me soutiens sur ce sujet-là, sur l'enfouissement de partiel ou complet de la porte de Bagnolet, enfin, corrigez-moi si je me trompe, notamment toi, Jean-Claude, puisqu'on sait que tu es plutôt contre. Mais je vois le président du territoire, Patrice Bessac, il nous soutient. Je vois Gaylord Le Shaker, qui nous soutient. Je vois la métropole du Grand Paris qui nous soutient, et notamment, je souscris tout à fait au propos de Anne de Rugy quand elle défend le projet. Je vois le concours de la ville de Paris, où j'étais encore cet après-midi, et lundi avec le maire, nous étions à la mairie centrale de Paris pour soutenir et l'évolution de la porte de Montreuil et l'évolution de la porte de Bagnolet, et le concours de l'État, et le concours de l'ANRU. Bon, qu'on ne s'y trompe pas, pour l'avenir des Bagnoletaises et des Bagnoletais, l'isolement n'est pas du tout un fait, puisque tous ces noms que j'ai cités nous soutiennent dans ces grands projets, et on aura encore besoin d'eux sur la prochaine mandature, parce qu'on a de l'ambition, parce qu'on veut que les Malassis évoluent, parce qu'on veut que l'ANRU évolue, parce qu'on veut que la porte de Bagnolet évolue. Non, non, nous ne sommes pas isolés. Après, ici, au sein de ce conseil municipal, oui, mais parce qu'il y a des postures, et je souscris effectivement à ce que tu as dit tout à l'heure. Il ne faut pas confondre ce qui se passe ce soir et ce qui va se passer dans 11 mois. À chaque temporalité, son débat. Oui, pardon. Je disais, les temps sont difficiles. Pas ici. Pour nos concitoyens, dont les conditions de vie se dégradent, étranglés par l'inflation, la précarité, la crise du logement, la casse du service public. Difficile, voire grave, pour notre planète, notre climat, notre biodiversité, tous laissés de côté par des choix politiques qui tournent le dos à l'avenir. Et pendant ce temps, le gouvernement augmente les dépenses militaires comme jamais. 50 milliards d'euros d'augmentation pour le budget de l'armée en 2025, avec un objectif de 120 milliards par an d'ici 2030. Un effort colossal mené sans hausse d'impôts, donc au détriment direct des collectivités, des hôpitaux, des écoles, du logement social et de la solidarité. On nous parle de sécurité, mais quelle sécurité ? La paix ne se construit pas avec des canons ni des porte-avions. La seule sécurité réelle, durable, c'est la paix sociale, la paix environnementale, la justice internationale et la solidarité locale. Nous, élus de la majorité, comme de l'opposition, nous devrions être acteurs de cette culture de paix et non les victimes collatérales d'une politique qui sacrifie le quotidien pour alimenter des logiques de confrontation et de peur. Voilà pourquoi nous aurions aimé voir à Bagnolet ce soir une majorité qui nous présente un budget de résistance, parce que chaque euro mis dans les écoles, dans le social, dans la culture, dans les associations, est un acte de résistance et de construction d'un avenir plus humain. Voilà aussi pourquoi nous devons refuser de faire comme si de rien n'était, pendant que nos marges budgétaires sont siphonnées année après année. La réalité, après l'ascension du gouvernement Barnier et la suspension immédiate des travaux parlementaires qui s'en est suivie, les collectivités ont été plongées dans le flou inédit pour préparer leur budget. C'est donc le 6 février dernier que le couperet est tombé. Un budget de l'État imposé à coup de 49-3 par le gouvernement Bayrou. Un budget qualifié du plus mauvais de l'histoire pour les collectivités territoriales par de nombreux députés, sénateurs ou maires de gauche. La réalité de la facture pour les collectivités territoriales s'élève à près de 7,1 milliards d'euros, d'après le premier vice-président de l'Association des maires de France, André Lénel, et non pas 2,2 milliards comme annoncé dans la note de synthèse. Ainsi, 1,2 milliard d'euros disparaissent à cause du gel de l'augmentation de la fraction de TVA due aux collectivités. Une baisse drastique du fonds vert chaparde en plus 1,35 millions d'euros. Ce fonds a été mis en place il y a 2 ans pour soutenir les projets de transition écologique portés par les collectivités locales. Il était doté de 2,5 milliards en 2024 et se retrouve drastiquement réduit dans l'espace d'un an. À ces coupes s'ajoutent les suppressions pures et simples du fonds de soutien aux activités périscolaires et au plan vélo. Ce n'est pas seulement un mauvais coup pour les communes, départements ou régions, mais aussi pour tous nos concitoyens. Ils seront les premiers à en pâtir, et en Seine-Saint-Denis plus qu'ailleurs. Les collectivités ainsi asphyxiées, les conséquences économiques seront catastrophiques, autant pour le fonctionnement que pour l'investissement. Or, les collectivités locales étaient fournies jusqu'à présent de plus de 60% de l'investissement public national. Elles soutenaient ainsi des pans entiers de l'économie et des commandes publiques pourvoyeuses d'emplois. Combien de Bagnoletais seront touchés directement ou indirectement par cette politique mortifère ? En Ile-de-France, c'est une double peine, puisque Valérie Pécresse, présidente de la région, saute sur l'opportunité de ces restrictions budgétaires pour serrer encore la vis austéritaire. Bien au-delà de ce qu'exigeait le gouvernement, elle prévoit 700 millions d'économies, pas un seul centime ne sera investi dans le logement social, et les contrats plans État-région seront suspendus. Des aides telles que les subventions versées à Île-de-France Mobilité pour la tarification sociale des transports en commun et la bourse à la mobilité internationale des étudiants ont tout simplement été supprimées. Malheureusement, depuis 20 ans, chaque quinquennat comporte son lot de maltraitance pour les collectivités. Nicolas Sarkozy supprime la taxe professionnelle, ce qui leur fait perdre la moitié de leurs revenus. François Hollande, une coupe de 10 milliards d'euros de dotation globale de fonctionnement. Et Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation avant de s'attaquer à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, en plus des réductions régulières. La situation socio-économique impose de changer de cap. La pauvreté, les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter, alors que les salaires stagnent. Dans le même temps, les inégalités de patrimoine explosent. Aujourd'hui, 18% des ménages français sont à découvert tous les mois. 31% des Français sautent des repas, et ce sont en majeure partie des travailleurs. Pourtant, Macron poursuit sa politique d'austérité alors que nos concitoyens ont exprimé une volonté forte de changement en juillet dernier, en mettant le nouveau Front populaire en tête du suffrage. Ils ont eu raison, car d'autres choix sont possibles, des mesures au service de la solidarité nationale et non au profit d'une poignée d'individus, s'attaquer à l'évasion fiscale et aux différentes niches, instaurer une fiscalité sur les transactions financières, instaurer une taxe sur les très hauts patrimoines, rétablir l'impôt sur les sociétés, abroger la réforme des retraites, indexer les salaires sur l'inflation, augmenter le SMIC à 1 600 euros net mensuel et rehausser le point d'indice des fonctionnaires. Car malgré l'inflation, le gouvernement ne prévoit aucune augmentation du point d'indice depuis 2005. Et j'en reviens au budget de Bagnolet. Ne faisons pas croire que les grands gagnants seraient les agents communaux avec une augmentation du chapitre 12, charges de personnel, de 1,5 million d'euros. Si le montant de ce chapitre à 47 millions d'euros peut paraître pour certains important, il ne faut pas oublier que derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes qui travaillent pour rendre un service à la population. Et comme nous toutes et tous, ces hommes et ces femmes ont le droit de vivre dignement de leur travail. Ces hommes et ces femmes ont le droit de vivre dignement de leur travail. Mais quand on regarde de plus près ce chapitre, il s'avère que l'augmentation est essentiellement due à la mise en place des tickets restaurant et à l'augmentation de la cotisation pour assurance du personnel. Et donc, pas d'augmentation de rémunération. Mais la gestion municipale, ce n'est pas que des chiffres dans un budget. C'est aussi une ambiance à instaurer dans la ville et la place qui est laissée aux citoyens. Et nous constatons que Bagnolet souffre dans ce domaine, peu de mise en valeur des initiatives citoyennes et quasiment pas d'incitation à la citoyenneté. Et pourtant, des actions pourraient être mises en place, comme les budgets participatifs. De la même manière, hormis la pétition pour obtenir un commissariat de plein exercice qui a recueilli 1559 signatures en un an, il n'y a aucune volonté de mobiliser la population sur des sujets pourtant rassembleurs, comme le respect des horaires de bus, quand la région a décidé que toute l'année, les bus qui desservaient Bagnolet seraient en horaire de vacances scolaires. Aujourd'hui, plusieurs fermetures de classes sont annoncées. Les parents d'élèves inquiets se mobilisent. À quand une mobilisation municipale? Elle est de la responsabilité des élus de gauche, je le dis encore, des élus de gauche, de soutenir et de mobiliser nos concitoyens pour faire respecter leurs droits. Si nous avons eu le 76 au Malassis et la couverture de l'autoroute, c'est grâce à la mobilisation des habitants soutenus par les municipalités précédentes. Le débat budgétaire, c'est aussi le moment d'aborder les irritants de la vie quotidienne. Le premier est un état de la voirie qui se dégrade. Des trous dans la chaussée qui s'agrandissent de semaine en semaine, créant des zones de danger pour les cyclistes. Ce n'est pas toujours possible de gaudronner immédiatement chaque trou. Il doit être possible de trouver des solutions provisoires pour les combler en attendant une intervention plus lourde. Autre irritant, c'est la propreté dans les Malassis. Le quartier des Malassis est balayé par le vent, encore plus avec les nouvelles constructions, ce qui favorise la dispersion des détritus en tout genre dès qu'ils ne sont pas dans une poubelle. Rue Pierre-Marie-Curie, des conteneurs ont été mis en place en remplacement des poubelles qui attiraient les rats. Cette solution n'a pas l'air encore optimale. Les conteneurs d'ordures ménagères sont vite pleins. Notamment le week-end, les habitants n'ont pas d'autre choix que de déposer leurs poubelles par terre. De plus, le type de conteneur installé impose aux habitants de porter le sac poubelle jusqu'à hauteur du visage. Ce n'est pas possible pour un enfant ou certaines personnes âgées, et encore une fois, les sacs se retrouvent par terre. Je ne dis pas que solutionner ce problème est facile, car il n'est pas possible d'installer dans cette rue des conteneurs enterrés, mais il semble qu'un échange avec Est-Ensemble soit nécessaire. Car laisser cette situation perdurer, c'est inciter à l'incivilité. J'en vais maintenant au sujet qui nous préoccupe tous, et à juste titre, la dette. Si elle a diminué, c'est vrai, ces dernières années, mais il reste toujours le problématique non résolu à notre sens du remboursement des 3 emprunts infinis de la Deutsche Bank. On en parle depuis 10 ans et on a dû attendre 2024 pour penser à négocier des années blanches dans les nouveaux emprunts et 2025 pour qu'une réserve soit prévue au budget et que des discussions soient engagées avec Est-Ensemble pour diminuer nos dépenses les 3 années de remboursement des emprunts en espérant que la majorité d'Est Ensemble ne change pas lors des prochaines élections. Je le répète, en espérant que la majorité d'Est Ensemble ne change pas lors des prochaines élections. La bonne nouvelle, c'est que la majorité municipale semble enfin chercher des vraies solutions. La mauvaise, c'est que les solutions présentées ne seront pas suffisantes. Nous attendons un plan clair et chiffré des résorptions de la dette à horizon 2035. Combien notre ville devra rembourser chaque année jusqu'en 2035? On a bien compris que la Deutsche Bank refusait de renégocier ses prêts, mais qu'en est-il des 26 autres lignes de prêts qui existent encore en 31? On ne peut pas voter des budgets année après année sans cette perspective de plus long terme. Car si cette année le budget prévoit une mise en réserve de 1,4 million d'euros, c'est surtout grâce à la vente du marché à la ferraille pour une recette de 6 millions d'euros. Vous le savez comme nous, la ville ne pourra pas vendre tous les ans des biens pour couvrir le remboursement des prêts et assumer ses investissements. Mais permettez-moi de dire aussi que nous aurions aimé voir ce soir, je le disais tout à l'heure, un budget de résistance. Un budget qui aurait dit clairement, nous ne céderons pas aux logiques d'austérité, nous faisons le choix de l'humain, du social, de l'écologie et de la solidarité. Un budget qui aurait été un signal fort de la majorité municipale. Bagnolet tient bon. Bagnolet ne baisse pas les bras. Bagnolet est debout pour ses habitants. Parce qu'en matière de budget, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des choix politiques. Et ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est un budget de gestion, mais pas un budget de combat. Alors vous l'avez compris, notre groupe votera contre et nous réclamons l'ouverture d'un autre débat, un débat sur les services publics locaux, sur la transition écologique populaire, sur la culture de paix, sur les réponses concrètes à apporter aux Bagnoletais et aux Bagnoletaises. D'autres choix sont possibles et il est temps de les assumer. Et enfin, il semblerait que la majorité municipale se désigne sur le vote de ce budget. Est-ce que c'est la perspective des élections municipales de 2026 qui est pour quelque chose? 2025 ne doit pas être une année de gestion des affaires courantes, faute d'entente entre élus de la majorité. Nous sommes certes élus dans l'opposition, mais nous avons à cœur que les services de la ville puissent travailler sereinement au service des Bagnoletaises et des Bagnoletais. Les Bagnoletais méritent mieux. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions, Cédric? Oui, juste pour compléter tes propos, Mohamed, parce que j'y ai pensé au moment où tu l'as dit et ça a été évoqué plusieurs fois. Encore une fois, la dette, c'est un sujet qui préoccupe. Et effectivement, il y a la vente d'une parcelle communale qui a encore une fois été fléchée dans la stratégie de vente de la ville qui a été présentée à différents conseils municipaux. Donc là aussi, pas de surprise en réalité. Et je pense que c'est bien effectivement que la ville se sépare de certaines parcelles non stratégiques et qu'elle le vende bien. Parce qu'effectivement, oui, ça permet d'équilibrer le budget. Enfin, genre, c'est une pratique courante dans beaucoup de municipalités. Mais ça m'a fait penser à autre chose. C'est qu'effectivement, on peut se dire de manière parfois un peu simple, oui, mais à un moment, il n'y aura plus de terrain. C'est vrai. Mais par contre, on oublie une chose, c'est la taxe d'aménagement. Et la taxe d'aménagement, c'est aussi une belle recette pour la ville. Ça ne vous a pas échappé que pendant plusieurs années, la ville avait un moratoire, qu'effectivement, aucun projet ne pouvait sortir sur la ville. Et on a eu de nombreux débats au sein de ce bureau municipal, non pas forcément conseil municipal, vous me comprendrez, sur le fait de lever le moratoire à certains endroits, parce qu'on pensait que la ville ne devait pas rester immobile, et notamment, et j'en viens à mon propos essentiel, à autoriser certains projets. Et notamment ces projets, donc je pense notamment à celui qui fait l'angle de la rue Étienne-Marcel et le professeur Lemierre qui se la rue sur Paris, donc pour ceux qui ne s'y situent pas, c'est dans le quartier des Coutures à la limite avec Montreuil, le fait qu'effectivement là il y a un terrain privé qui a des droits à construire et le maire n'est pas au-dessus des lois. Si le PLUI est respecté, nous sommes obligés de signer le permis de construire. Donc, il faut accompagner le promoteur à cet endroit-là, chose que nous avons fait. Et je tiens juste à dire que, au-delà du fait qu'on ne peut pas vendre des terrains de façon illimitée, on peut quand même faire muter la ville sur des zones aujourd'hui où il n'y a strictement rien, en respectant le cadre de vie, parce que c'est essentiel. Mais ce projet-là, quand il sort de terre, il apporte aux estimations dernières, 1 200 000 euros dans les caisses de la ville. Donc, muter la ville, c'est aussi faire rentrer de l'argent dans les caisses. Voilà, donc je pensais à ça au moment où tu l'as dit. Et je pense aussi que ça répond en partie aux interrogations de beaucoup. C'est-à-dire, oui, mais une fois qu'on a vendu, qu'est-ce qu'il reste? Il reste quand même la mutation de la ville. Et les taxes d'aménagement, ça compte et ça permet de moins emprunter, entre parenthèses. Une précision sur les mobilisations. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ton intervention, Mohamed. Mais sur les fermetures de classes, j'ai eu l'occasion d'écrire aux institutions avec le maire de Montreuil et le député il y a quelques mois. Et je vais adresser un courrier qui à ma signature au DAZEN, notamment sur la situation de l'école Jules Ferry, pour demander une rencontre. Et je proposerai aux parents d'élèves et aux élus en charge de la délégation de m'accompagner. Edith Félix. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais juste remercier Edouard pour son intervention, mais insister sur le fait que si le budget n'était pas voté, il ne se passerait pas grand-chose. Le préfet prendrait la main sur les affaires courantes, mais il ne modifierait pas le budget à un an des élections. Donc il n'y aurait pas de danger pour les centres socioculturels, etc. Voilà, alors pour commencer, je vais prendre un court rappel. On ne m'interrompt pas, merci. On ne m'interrompt pas, merci. Un court rappel pour mesdames et messieurs. Il faut distinguer, d'une part, les comptes validés après la fin de l'année par le comptable. C'est ce qui est présenté dans le CFU ou le compte administratif précédemment. Et d'autre part, le budget élaboré en début d'année qui est soumis au présent vote. Là. Voilà. Donc d'un côté, ce qui est réalisé ou du moins engagé et de l'autre côté, ce qu'on projette pour l'année en cours. Voilà. Alors je vais juste parler un petit peu en détail de certains points du budget. Je vais commencer par le chapitre 11 qui fait référence dans la nomenclature comptable aux charges à caractère général. Donc, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement des services publics, les fluides, l'entretien, la maintenance, les services extérieurs, les fournitures, etc. Donc, c'est l'outil de travail des services. Pour le chapitre 11, donc, on avait une note de cadrage pour élaborer le budget 2025 qui propose d'appliquer une baisse de 5% par rapport aux dépenses réalisées et engagées en 2024. Donc c'est la deuxième année qu'on s'applique ce régime. Et en 2024, le réalisé indiqué dans le CFU, dans le compte financier unique, est de 13,4 millions. Le budget 2025 devrait donc être, avec 5% de moins, 12,4 millions pour les charges à caractère général. Bon, certes, cette baisse de 5% qui est purement... purement arithmétique a été contestée en bureau municipal et certaines délégations identifiées comme prioritaires ont été exemptées de cette baisse. Donc on s'attend quand même à ce que le budget 2025 soit inférieur au compte financier de 2024 puisqu'il s'agit de maîtriser les dépenses, soit inférieur à 13,4 millions. Et au final, on aboutit dans le budget primitif à un chiffre de 14,5 millions. Donc, une augmentation de 14,5% par rapport au réalisé de 2024. Donc, ça veut dire que la lettre de cadrage n'est pas suivie. Hein. Ces préconisations ne se retrouvent pas du tout dans le budget primitif. Alors, s'il n'y a pas de maîtrise des dépenses de fonctionnement, comment se fait-il, me direz-vous, que les comptes soient en apparence équilibrés ? Et même que les excédents de la section de fonctionnement permettent de financer l'investissement dans un mécanisme tout à fait sain pour la collectivité. C'est que l'on compte sur le fait que le taux de réalisation du budget ne sera, comme l'année précédente, que d'environ 85%. On n'arrivera pas à dépenser le budget, faute de personnel en capacité de le faire sur le terrain. Pour arriver à une réduction réelle des dépenses du chapitre 11, on compte sur l'incapacité à dépenser. Il y a deux conclusions à tirer à cela. D'abord, la méthode n'est pas sincère et ce n'est pas un détail lorsqu'il s'agit de piloter la ville et son budget. On compte sur la non-réalisation du budget primitif pour retomber à l'équilibre. Ensuite, c'est bien le périmètre du service public qui est ici atteint. On réduit, en réalité, d'année en année, les moyens de fonctionnement des services. Ainsi, les dépenses à caractère général du chapitre 11 baissent de 9,75% de 2023 à 2024 et il est prévu en réalité de les baisser encore de 7,5% de 2024 à 2025. En cumulé, ça fait une réduction de 16,5% en deux ans. Si ce n'est pas une cure d'austérité, ça y ressemble beaucoup. Plus précisément, on peut donner des exemples concrets en regardant en détail l'évolution des dépenses d'alimentation, par exemple. C'est le budget qui fournit la cuisine centrale, la cantine, les repas des seniors. En 2023, le budget alimentation est de 1,8 million et 2,046 millions au compte administratif. En 2024, le budget est de 1 844 000. J'ai pas trouvé dans le CFU cette année, le compte pour l'alimentation. On n'a pas le détail. Voilà. Donc le CFU, c'est bien ce qu'on disait, hein, il est complètement incomplet, on ne peut pas suivre. Donc je n'ai pas ce chiffre, je ne peux pas vous le donner. Et donc en 2025, le budget est de 1,5 million. Donc ça n'explique pas cette baisse de près d'un quart, hein, 23% en deux ans. Est-ce que les enfants mangent trop et trop bien à la cantine? Ce n'est pas ce qu'on entend du côté des parents. Cette réduction du service public permet d'alimenter artificiellement l'excédent de fonctionnement qui sera reversé à la section d'investissement. Un mécanisme qui consiste donc à compenser la faiblesse des capacités d'investissement par la réduction du fonctionnement. Bon, voilà, je m'arrête sur le chapitre 11, je passe au chapitre 12, c'est les dépenses de personnel. La lettre de cadrage, encore une fois, annonce qu'aucune évolution ne pourra être prise en compte. Alors, les dépenses de personnel sont soumises à une augmentation mécanique du fait de l'évolution des agentes et des agents, de l'augmentation de la contribution de l'employeur à la CNRACL, la Caisse nationale des agents des collectivités locales, en augmentation de 3 points pour 2025, ça s'est imposé, voilà, et certaines années de la revalorisation du point d'indice qui poursuivre l'évolution de l'inflation. Mais tout cela n'explique pas que la moitié de l'augmentation. Mais tout cela n'explique que la moitié de l'augmentation, de près de 1,6 million. Là encore, la lettre de cadrage n'est pas respectée. Le budget du chapitre 12 paraît donc en augmentation stable d'environ 500 000 euros depuis 2020. On a 44 millions 077 en 2020, 44 443 en 2021. De 2024 à 2025, on passe de 45 682 000 à 47 408 000, soit une hausse de 1 726 26. Depuis le début du mandat en 2020, l'augmentation des dépenses de personnel sera donc de 3,3 millions d'euros, soit environ 7,5%. À noter que ces dernières années, les conservatoires, les médiathèques, les cinémas sont passés progressivement dans le périmètre d'Est Ensemble et les agentes et les agents ont été transférés au territoire. Pour leur service, la ville reverse au territoire une contribution et c'est un autre budget. Donc la réduction du périmètre a compensé partiellement la hausse des dépenses du personnel qui, sans cela, serait encore plus élevée. Les dépenses du personnel ne sont toujours pas maîtrisées, contrairement au discours rassurant qui est tenu. Et ceci dans un contexte où, on l'a dit tous, l'administration communale va très mal. En début de mandat, le rapport d'audit du cabinet Talisker en faisait état. Notre groupe, les écolos solidaires, citoyens et radicaux, appelait à mener un large travail associant agentes et usagères, dans des états généraux du service public. Le maire ne s'est pas saisi de cette proposition. Alors, on vient au bureau municipal, on fait des recommandations et puis on n'est pas écouté. Voilà. Il a réalisé seul des réunions isolées dans chacun des services et procédé à des remaniements à minima. Personne n'est satisfait. La souffrance des agentes et des agents est bien toujours la même. Quant au service public pour l'usager, je peux témoigner pour la direction de la voirie qui fonctionne sans aucun technicien de voirie alors qu'il en faudrait trois pour la superficie de la ville. de quoi user son directeur. Concernant les investissements, pour ne parler que des grosses opérations, les projets prennent beaucoup de retard et la plupart d'entre eux sont mis en attente ou abandonnés. Opération Collège-Travail, groupe scolaire Langevin, école Grindorge du centre-ville, gymnase Jean Reynaud, 115 rue Robespierre. Lorsque les investissements de la ville sont associés à des subventions de l'État, de la région, de l'ANRU, le retard de réalisation est un problème, car il engendre des surcoûts liés à l'inflation. Les subventions sont fixées au départ et si les coûts augmentent, ce sera à la ville d'absorber la hausse des tarifs, qui peut monter à plusieurs millions d'euros. Par ailleurs, l'année passée 2024 a vu une progression de plus 374% des opérations d'investissement pour financer les chantiers de l'école Pêche d'Or et de la construction du dojo piscine. Bon, relativisons ça, en fait, en 2023, les projets n'ont pas avancé. Donc, c'est une hausse un petit peu étonnante. Mais pour financer cette hausse, la ville a eu recours à l'utilisation de son fonds de roulement. Hamid le disait aussi, le fonds de roulement de fin d'exercice 2024 est de 3 246 000, ce qui représente une baisse de 47% par rapport à 2023 et une variation de 2 8 millions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le fonds de roulement, c'est la réserve de trésorerie permettant de couvrir les décalages entre les encaissements des recettes et le paiement des dépenses. Il n'est pas prudent d'avoir un fonds de roulement inférieur à un mois de dépenses de fonctionnement. Le fonds de roulement permet en 2024 de couvrir 26 jours de dépenses de fonctionnement. Donc c'est déjà ric-rac. En 2025, là, on tient 14 jours. Au moindre aléa d'encaissement, on risque de ne pas pouvoir payer les agentes et les agents. Quant au délai de paiement des fournisseurs, il était déjà le plus mauvais de Seine-Saint-Denis. Il va encore se dégrader au détriment de la réputation de la ville. Quand on regarde dans le concret, on voit bien qu'il y a une différence entre la présentation avantageuse qui nous est faite et la réalité de la gestion de la ville. Alors, pardon, attends, je vais répondre avant de perdre le fil. La restauration scolaire. Donc, je l'ai dit, Édouard Denoël l'a évoqué tout à l'heure, puisqu'il l'a mis dans son bilan positif. On change de prestataire à la rentrée. On va avoir un nouveau fournisseur de denrées qui s'appelle Table Commune. La dépense supplémentaire pour la ville de Bagnolet est de 200 000 euros sur 4 mois. On a eu déjà l'occasion en bureau municipal, Edith, mais sans doute n'avais-tu pas entendu, qu'il y a des bougies sur les chapitres. De la même manière, sur la restauration du personnel. Auparavant, la restauration du personnel figurait au chapitre 11 du budget, comme on a eu l'occasion de l'expliquer, notamment dans l'Europe, et dire à présent au chapitre 12, pour une dépense de 800 000 euros, donc une dépense plus importante que la dernière fois. Dire que les délais de règlement des prestataires vont augmenter, en fait, on est passé de 90 jours à 30 jours, on l'a dit au dernier ROB. Bon, voilà, après, on peut toujours dire tout et son contraire. J'ai toujours pas compris, en fait, ce qu'est la position de votre groupe. Parce que d'un côté, on me dit, on fait pas assez d'économies en matière de fonctionnement. De l'autre, on me dit, il faut pas en faire. À un moment donné, on me dit, on fait en sorte de ne pas exécuter le budget. La lettre de 4A, je n'ai pas respecté. Juste pour l'information de tous, il y a une section de fonctionnement et une section d'investissement Edith. Les moins 5%, c'est pour la section de fonctionnement, pas pour l'investissement. C'est moins 5% hors secteur prioritaire qu'on a défini collectivement au BM. Donc moi, je veux bien que je sois un dictateur et que je fais des trucs dans mon coin tout seul, mais les priorités politiques, elles ont bien été définies en bureau municipal, il me semble. Et tu étais là. Non, je crois que tu n'as pas compris ce que j'ai dit, Tony. Donc, moins 5%, ça concerne le fonctionnement, pas l'investissement. C'est clair. Je crois que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit, Tony. C'est clair. C'est très clair. C'est précis. Ensuite, bon, je vais donner la parole à Kaline. Bon, il y a un truc très clair. Vous avez le droit, on est en démocratie. Vous votez contre le budget. C'est votre droit. Donc la question qui vous est posée aujourd'hui, c'est dans la mesure où vous ne vous retrouvez pas dans ce budget, moi je vous invite à rendre de vous-même vos délégations. Ça s'appelle la cohérence politique. Donc rendez vos délégations puisque vous ne votez pas le budget. C'est ça la cohérence. Vous parlez de cohérence, de transparence, de je ne sais quel principe, Jean-Claude. Bon, toi, tu n'as pas de délégation. Tu nous l'as rendu en juillet 20 lorsque tu voulais cumuler Est Ensemble et Bagnolet. Et ça nous a effectivement valu une petite fable à l'époque. Mais la question qui vous est posée, et ce n'est pas une question, c'est vous ne vous reconnaissez pas dans ce budget. C'est votre droit. C'est votre droit, on est en démocratie. Donc, rendez vos délégations. Elham, Jonji, Edith, Valérie et Hamid. C'est ça la cohérence politique à un moment donné. Et nous laisser entendre, comme tu l'as dit, Edith, après ce qui a été dit tout à l'heure par Hamid, qu'il n'y avait aucune conséquence, c'est la première fois que j'entends un truc comme ça, franchement, aucune conséquence au fait que ce soit le préfet, la Chambre régionale des comptes, qui règle le budget de la ville. Franchement, vous avez le droit de ne pas me croire, mais renseignez-vous sur la manière dont ça s'est passé dans les communes où ça s'est passé. Il y a des exemples concrets, précis, et en général, ça ne se passe pas bien. En général, ça ne se passe pas bien. Parce que la préfecture, la Chambre régionale des comptes, elle a une idée bien précise où il faut faire des économies. Voilà ce que je voulais vous dire. Caline. On entend beaucoup de choses un peu dures sur le maire, ça tape fort sur lui ce soir. Alors effectivement, ce n'est pas du tout l'objet normalement de faire un bilan, mais on sait qu'il y a certaines ambitions politiques qui se révèlent au moment du budget. On entend donc qu'il divise, qu'il cumule, alors ça c'est vraiment un gag, que c'est un dictateur. Moi je voudrais parler rapidement, je vous rassure ce sera rapide, de mon expérience depuis 5 ans. C'est dommage qu'Edith sorte parce que c'était un moment intéressant, puisque en général mes sujets l'intéressent beaucoup. Moi depuis 5 ans, j'ai un maire qui me dit oui à tout. C'est-à-dire que quoi que je propose avec Thomas Pradeloup et auparavant Agnès Jaffard ou Pascal Forestier, il dit oui. Quand j'ai fait en 2020 les passages piétons arc-en-ciel pour lutter contre les LGBT-phobies, au bout de quelques heures, à la capsulerie et dans certains quartiers, ça avait été recouvert de sauts de peinture. J'étais stupéfaite. Tony Di Martino m'a dit « Tu refais ». On a refait et maintenant ça tient. Preuve que les esprits évoluent. Le congé menstruel, je sais que j'en parle beaucoup, mais parce que c'est vraiment une fierté dont il faut se rendre compte de cette avancée pour la ville. En fait, moi j'ai traîné. Agnès Jaffard me l'avait présenté plusieurs mois avant que je n'ose le présenter au maire. J'ai traîné moi-même parce que je ne savais pas si on était prêt. J'avais peur de me faire retoquer. Et bien, pas du tout. Il a dit oui tout de suite. Et par la suite, dans un bureau municipal ici, où on était tous ensemble, il m'a appuyée alors que certains de mes collègues, et qui avaient leurs droits, n'étaient pas forcément d'accord avec moi sur la souplesse que je voulais y apporter. Donc là encore, il m'a soutenue. J'avais encore un autre point. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que depuis 5 ans, quelles que soient mes idées, même, ou celles de Thomas Pradeloup, même quand elles ont l'air tout à fait innovantes, ou audacieuses, ou farfelues, moi j'ai quelqu'un qui dit oui. Donc, quand certains esprits chagrins, de façon opportuniste et très franchement indécente, ça devient vraiment indécent, essayent de le taxer de misogynie et de dictateur, moi, en tout cas, une fois encore, je peux dire que la vision et les actes, c'est très important, de Tony Di Martino sont bien ancrés sur l'égalité et le féminisme qui sont nos préoccupations et dont notre ville a besoin. Oui, je me permets d'intervenir à cette heure tardive, mais comme la dernière fois, j'ai laissé se dérouler les débats internes à la majorité. J'interviendrai brièvement, parce qu'on a déjà eu des débats assez nourris à propos du document d'orientation budgétaire. Ensuite, mon collègue Mohamed Jenan a déjà dit beaucoup de choses, notamment sur le contexte national et sur la clarté de notre position. Et effectivement, le troisième point, c'est parce qu'en ce qui concerne notre groupe, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de faux suspense. Depuis 2020, on ne pratique pas, je crois, une opposition systématique, puisqu'il nous est arrivé de manière récurrente, de manière régulière, de voter des délibérations quand on considérait qu'elles étaient positives pour Bagnolet, et notamment quand, trop rarement à notre goût, mais quand il y avait des partenariats avec la métropole, avec Est Ensemble, nous les avons toujours votés. Malgré tout, le budget, c'est quand même le document d'orientation politique fondamental d'une équipe municipale, comme d'ailleurs d'une équipe régionale, départementale ou nationale. Et donc nous, depuis 2020, nous avons voté contre les budgets qui ont été soumis au Conseil municipal parce que nous avons des désaccords profonds sur la politique menée. Nous considérons qu'au-delà des discours, un certain nombre de politiques publiques se dégradent en matière de solidarité, en matière de culture, parce que nous considérons que la bifurcation écologique n'a pas commencé vraiment. Et d'ailleurs, je vous ai entendu, vous et votre adjoint à l'éducation, vous féliciter du bilan en matière de restauration. Je pense que les bagnoletais se souviennent que c'est vous qui avez amené Sodexo. Alors aujourd'hui, vous nous dites, on les a amenés, mais on va les sortir. Mais c'est quand même vous qui assumez la responsabilité de cela. Ensuite, nous considérons, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, que les investissements sont insuffisants pour préparer l'avenir de la ville et qu'on a plus le sentiment que les prêts servent à boucher les trous de la gestion communale qu'à préparer l'avenir de la ville. Ensuite, nous avons des désaccords profonds sur la méthode parce que considérons qu'il y a quand même un pouvoir très solitaire du maire et très concentré dans ses mains et que Mohamed l'a évoqué aussi, la manière de dialogue avec la population ne nous semble pas répondre à ce que devrait être une mairie d'aujourd'hui et notamment dans une ville qui a autant d'énergie positive dans le tissu associatif, dans des créateurs d'initiatives. La ville ne met pas à profit ces énergies positives de la ville, voire les combats. Enfin, nous avons un désaccord profond, et on a eu l'occasion d'en parler lors de précédents conseils municipaux, sur le rapport au personnel communal. Une politique municipale, elle se mène, certes, grâce aux moyens inscrits dans un budget, ce qui est l'ordre du jour de ce soir, mais elle se mène aussi par la mobilisation des agents communaux, qui sont la vraie richesse humaine de cette ville. Et nous considérons effectivement que, je n'y reviendrai pas de manière détaillée, je suis intervenu de manière récurrente sur ces sujets, et je sais que Mohamed les a évoqués aussi. J'ai entendu plusieurs personnes ce soir faire le constat d'une rotation énorme dans le personnel communal. Je l'ai fait à de multiples reprises depuis 2020, tant mieux si ce constat est partagé. Mais je pense que la manière, surtout dans un monde où on le voit bien aux États-Unis aujourd'hui, où la fonction publique est l'objet d'attaques extrêmement violentes, je pense que dans une ville de gauche, la manière dont les élus doivent travailler avec l'administration communale doit être une manière beaucoup plus confiante, beaucoup plus fluide. Mais nous y reviendrons sans doute aussi, puisque notre groupe a déposé un vœu en ce qui concerne les questions de carence pour arrêt maladie. Bon, ensuite, moi, je ne vais pas rentrer dans ce qui a été une grande partie du Conseil de ce soir, c'est-à-dire qu'on avait vraiment le sentiment d'être plus dans un débat de pré-campagne électorale que de budget. Et ça a été assez partagé, puisque j'ai entendu que, juste après votre intervention, monsieur le maire, votre premier adjoint est intervenu dans un discours qui était assez peu en relation avec le budget et qui était quasiment déjà un discours de campagne électorale et de programme annonçant de nouvelles choses financées, on ne sait pas comment. J'ai entendu aussi que certains dans votre majorité municipale, qui après quelques détours ont expliqué qu'ils allaient voter le budget, ont malgré tout commencé à faire entendre une petite musique de pré-campagne. Et puis, je l'avais déjà constaté, donc je n'y reviens pas dans le document d'orientation budgétaire, il y a plusieurs éléments qui apparaissent miraculeusement dans ce budget 2025, à moins d'un an des élections, alors qu'ils n'ont pas été menés depuis le début de la mandature et même depuis votre élection en 2014. Ça a été déjà évoqué, la question de l'école Langevin, puisque vous vous étiez engagé, puisque la dernière fois, vous m'avez répondu par une histoire de fusée, vous vous étiez engagé, et il y en a des éléments très clairs sur la réalisation de 3 écoles dans ce mandat, qui étaient Pêche d'Or, Centre-Ville et Langevin, Hamid Chahir, mon collègue, l'a rappelé, c'est écrit, y compris noir sur blanc, je suis moi-même allé le contrôler cette semaine dans les documents de PPI que vous nous avez proposés. Et finalement, il n'y a eu aucun investissement significatif. Il y en a d'ailleurs cette année trop peu pour faire grand-chose de significatif, mais suffisamment pour payer une jolie image de campagne en annonçant que demain, il y aura une belle école, parce que on se l'est déjà dit en commission, ce ne seront que des frais de maîtrise d'œuvre, donc ils ne feront que produire une belle image. Je ne le redis pas, parce que je l'ai déjà dit, il y a les premiers investissements, et ils sont bien modestes, en matière de plan vélo, alors qu'il n'y a aucun mètre de piste cyclable qui a été réalisé depuis 10 ans. Je ne reviens pas, je l'ai déjà évoqué, sur le fonds de dotation de l'ancien hôtel de ville à l'abandon. Et puis beaucoup, comme on a beaucoup parlé de la dette et qu'on en avait déjà parlé au Conseil précédent sur le, documentation de, sur le document d'orientation budgétaire, alors que, comme vous l'avez rappelé vous-même, c'est vous qui, en 2015, avez souscrit ces prêts in fine de la Deutsche Bank. C'est, à moins d'un an de l'élection, pour la première fois, une première provision qui, d'ailleurs, ne permet de commencer à couvrir que le premier. Mais en tout cas, une première provision n'arrive qu'à moins d'un an de l'élection. Donc, effectivement, je pense que tout ça est moins un budget qu'un document de campagne électorale. Et avant de conclure, je voudrais juste parler d'un sujet dont personne n'a parlé ce soir. C'est que pour la première fois, comme la loi vous y oblige, il y a une annexe au budget qui est un budget vert. Je trouve d'ailleurs un peu étonnant que personne n'en ait parlé, parce que c'est, même si le document il est encore insatisfaisant, mais ça je ne vous en fais pas le reproche, c'est parce que c'est en train de se mettre en place. C'est le premier, etc. Mais c'est quand même un document intéressant, cet exercice de budget vert, et je trouve que c'est salutaire que la réglementation y oblige aujourd'hui. Bon, mais malgré tout, et moi je n'ai que la rédaction qu'en ont fait les services sous votre autorité, on voit que ce budget est encore assez peu vert. Puisque quand on regarde, là, je ne vais pas être trop long à cette heure tardive, mais comme personne n'en a parlé, je me permets d'évoquer ce budget vert. Quand on regarde la répartition des dépenses qui sont considérées comme positives, elles sont pour près des deux tiers liées à la direction du patrimoine bâti. Parce que, évidemment, toutes les dépenses qui se font aujourd'hui sur du patrimoine, si c'est du neuf, ça respecte la réglementation, ça je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a des réglementations thermiques aujourd'hui qui s'imposent à tous les bâtiments, qu'ils soient bons ou mauvais. Et puis quand on fait des travaux, on est aussi amené par la réglementation à améliorer thermiquement. Cela dit, et ça a été dit par vos services eux-mêmes en commission, cet élément positif sur la direction du patrimoine bâti, il est lié quasiment à un seul projet. Puisque dans les 86%, si j'ai bien calculé, du budget concerné comme étant positif, c'est l'école Pêche d'Or, bah, qui étant une école neuve, respecte la réglementation thermique, heureusement. Elle a d'autres défauts, mais au moins elle respecte la réglementation. Donc voilà, le seul élément qui apparaît vraiment positif, c'est issu de la direction du patrimoine bâti, et c'est pour l'essentiel issu d'une école neuve. Ensuite, par contrepoint, ça montre la faiblesse de la bifurcation écologique, et je suis pudique en disant faiblesse, sur la question de l'espace public. Puisqu'en matière d'espace vert, bon, on sait qu'on est dans une ville où il n'y a pas de création de nouveaux jardins depuis des années. Vous avez certes mis en place quelques investissements, mais c'est de l'intervention sur des jardins existants, Jules Ferry, Varlin. Ce n'est pas de la création de nouveaux. Et surtout, et puis c'est des petits budgets, 500 000. Ce qui est un gros. 500 000 euros sur Varlin, c'est un petit budget. Ce qui est un gros budget, et je vais y venir tout de suite, puisque je n'ai interrompu personne. La grosse masse de budget, elle est quand même sur le budget voirie, où en 2025, si on cumule les différentes lignes, on est à 2 725 000 euros. Et à l'intérieur de ce budget, qui est malgré tout un peu consistant, je disais, pour la première fois, il y a des dépenses en matière de vélo, mais ça pèse 200 000. Donc donc c'est bien modeste. Les dépenses de végétalisation de l'espace public, elles pèsent 40 000, donc c'est encore plus modeste. Et donc, on voit bien que la bifurcation écologique, elle n'est pas, elle ne se traduit pas dans l'espace public. D'ailleurs, il y a des phrases, et je cite le document remis, entre guillemets, il est dit « la prise en compte de la plantation d'arbres doit être systématique ». Oui, oui, oui, vous êtes maire depuis 10 ans, depuis 11 ans même. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a une délibération sur les véhicules communaux. Je lis aussi, et je sais que c'est des choses sur lesquelles je suis intervenu à plusieurs reprises, donc je passe vite. Des pistes de progression existent, et notamment au site, la mise à disposition de vélos de service des agents. Il y en avait il y a bien longtemps dans cette ville, et il n'y en a plus aujourd'hui. Mais on y reviendra sur cette question des véhicules municipaux. Et enfin, là encore, je vous lis, dans la conclusion, il est dit « Cet outil doit être pérennisé dans le temps, je partage, et être approprié par les directions, les équipes de direction générale et les élus. » Je pense que le fait même que ça soit écrit comme ça dans votre document montre bien que ça n'a pas infusé dans la politique municipale. Et puis, il est aussi écrit, il est aussi rappelé que de plus en plus de soutiens financiers sont soumis à des exigences environnementales. Et donc, ce n'est pas sans rapport avec toutes les discussions qu'on a eues sur les cofinancements que la ville peut recueillir. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire, mais vous avez vu, je me suis surtout attardé sur le budget vert, et sinon sur les autres éléments, comme l'a dit mon collègue Mohamed Jenan, et comme pour les budgets précédents, et en cohérence avec les positions qui ont été les nôtres, nous voterons contre ce dernier budget de la mandature. C'est un excellent cours d'opposition que vous venez de donner aux écolos solidaires, monsieur Vionnet. Bon, vous conviendrez que le budget vert est une évolution... l'introduction d'un budget vert en annexe du budget primitif est une évolution réglementaire récente. Et effectivement, on a encore beaucoup de travail en la matière. Mais dire qu'on ne fait que du saupoudrage, croyez-moi que les habitants du quartier des Coutures sont ravis d'avoir un square ferry refait. Et ceux qui sont un peu plus bas sont ravis d'avoir un square Varlin qui va être enfin ouvert au public avec un vrai square végétalisé. Et je pense que c'est ce qui compte. Après, il faut continuer à travailler. C'est le verre à moitié vide et à moitié plein. Après, on a tout à l'heure énuméré les délégations que je cumule, personnel, finances, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne cumule pas la délégation voirie, espace public, la délégation nature en ville, etc., etc. Vous voyez, c'est qu'à un moment donné, les élus travaillent et ils sont censés travailler pour l'intérêt général. Monsieur Barjot. Oui, merci. Malgré l'heure avancée, bonjour à toutes et à tous. Je ferai une brève intervention sur ce budget. Ce matin, en buvant mon café chez Madame Gêne, j'ai failli m'étrangler en lisant un article du Parisien qui disait Bagnolet, le maire sortant, Monsieur Tony Di Martino, ne sait pas s'il va se représenter. Monsieur Cédric Pape m'a rassuré en dévoilant ce soir le slogan de la prochaine campagne électorale de Monsieur Di Martino, point 3, à savoir, je cite, pour Bagnolet, il est grand temps d'avancer. Un slogan de campagne qui a le mérite d'être sincère, parce que si on doit avancer, cela signifie qu'auparavant, pas grand-chose s'est passé. Et malheureusement, pas grand-chose s'est passé en 6 ans et en 12 ans, Tony Di Martino, point 1 et point 2. Alors, je voudrais juste revenir sur un argument qui a été mis en avant, à savoir le fait que la dette est un élément important et qui pourrait aider à maintenir un service public conséquent et de qualité à Bagnolet, héritage, vous l'avez dit, de la gestion communiste d'avant. Je peux souscrire à cet argument à une seule condition, c'est que le service public à Bagnolet ait été préservé, et ce qui n'est pas du tout le cas. Le service public à Bagnolet a été dégradé, et tout ce qui a été mis en avant au niveau de la politique locale a été totalement dégradé. Le service public, par exemple, prenons l'école, ça a été moult fois rappelé, l'école, le collège travail, il n'y a rien qui a avancé, Langevin, il n'y a rien qui a avancé, la cantine scolaire... nous avons eu Sodexo. Alors vous avez beau dire qu'à partir de septembre il va y avoir un nouveau prestataire et que ça va changer, mais pendant 5 ans les élèves de Bagnolet ont dû avoir Sodexo. Je rappelle quand même Sodexo est de la malbouffe par excellence. Au niveau de la circulation douce, c'est la première fois que je vois ça dans une ville. En 6 ans il n'y a eu aucune piste cyclable qui a été faite. 6 ans, aucune piste cyclable, alors que tout autour, ça a été le cas. La seule chose que nous gardons, c'est la belle couleur jaune des pistes cyclables qui ont été faites pendant le Covid, pour marquer peut-être d'un point de vue historique ce que ça a été le Covid en 2020. Et surtout, on ne l'a pas évoqué, mais le refus de la passerelle, on parle de mobilité douce, et je crois que c'est Monsieur Pape qui l'a dit, la commune a refusé la passerelle entre Paris et Bagnolet, ce qui est quand même un petit peu dommage, puisque c'est une commune qui ne coûterait pas une passerelle qui ne coûterait pas vraiment cher à la ville. Alors tout ça pour dire que ce n'est pas qu'un problème de méthodologie. Nous ne votons pas pour le budget ce soir, parce que c'est un budget qui n'est pas ambitieux, c'est un budget qui n'est pas... nous sommes en désaccord avec. Aussi un dernier point que M. Vionnel, enfin Pierre l'a rappelé, nous avons un personnel communal conséquent et un personnel communal en grande souffrance, ce qui est quand même assez dommageable aujourd'hui. Donc... tout ça pour vous dire que nous refusons donc de voter ce budget qui est, ma foi, une gestion qui pourrait se résumer en un mot, un gâchis. Alors là, il y a eu deux. Monsieur le maire, juste une précision. Ouais. Je voulais juste dire à mon collègue, merci pour la gestion communiste. Donc, Monsieur Bargeau, vous nous avez manqué. Vous nous avez manqué parce que, effectivement, il y a deux, trois choses qui sont assez drôles. C'est qu'à la fois, on ne peut pas dire qu'il y a trop de personnel, il n'y en a pas assez. Lorsque j'ai évoqué le tract du BIC de 2020 qui reprenait de manière exhaustive le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui expliquait qu'il y avait 80 ETP, l'équivalent de 80 ETP de trop à la ville de Bagnolet. J'ai vérifié le tract. Tract, il existe. Je répondrai. Le tract du BIC, signé par Claire Laurence, existe. Donc en fait, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'il y a trop d'agents, il n'y a pas assez d'agents. Et c'est juste une question de cohérence. Juste ça. Angeline Desmortini. Oui, je voulais dire deux mots. Je voulais juste vous répondre, puisque vous avez un peu l'habitude de dire aux gens qu'ils ne comprennent rien, qu'ils aillent faire des cours, notamment. Non, je dis ce que vous avez dit. Non, justement, je n'ai pas dit ça, monsieur. Si, c'était dans votre tract. Non, vous avez sorti un tract. Monsieur Di Martino, je n'ai pas dit qu'il y avait trop de personnel. J'ai dit simplement. Mais le tract est de 2020, je ne parle pas de ce tract-là. Et je sais que vous avez une tendance à ne pas vouloir écouter les remarques de l'opposition ou des gens, mais j'ai simplement dit que le personnel communal... Je vous ai beaucoup écouté. Oui, mais non, vous ne m'écoutez pas et vous refusez que je discute. J'ai simplement dit, monsieur le maire, oui. Entendez bien et entendez moins bien, oui. J'ai simplement dit qu'il y avait un personnel communal conséquent, ce n'est pas qu'il y en a trop, il est conséquent. Il est important, il est en mal-être. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Point. Et on vous ressortira le tract, puisqu'on avait dit que le tract n'avait pas existé. Ouais. Angeline. Je vais essayer de dire deux mots. Moi, je voulais répondre à Cédric quand tu dis qu'il ne faut pas agiter l'épouvantail ou le spectre de la dette. Moi, j'ai envie de vous répondre ou de te répondre qu'il ne faut pas prendre les habitants pour des imbéciles. La dette, ils la subissent au quotidien. Ils la subissent au quotidien avec des équipements sportifs qui sont... dégradés, des écoles qui sont dégradées, des enfants qui fréquentent des écoles qui sont des préfabriqués, des équipements scolaires temporaires, il n'y en a pas partout. Donc je pense que les habitants ont bien conscience des effets de la dette. Alors la dette en soi, il peut y avoir une dette saine, on est d'accord là-dessus. Il ne s'agit pas d'avoir une doxa ultralibérale en disant la dette est mauvaise, il y a de la bonne dette. Simplement, c'est le niveau de la dette et c'est surtout la charge de la dette. Il y a 99% des recettes de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement et de la charge de la dette qui sont, ça représente pratiquement 99% des recettes de fonctionnement. Donc la charge de la dette, elle obère la capacité que vous avez à financer les investissements. Donc c'est simplement ça, c'est qu'il y a une dette qui devient pratiquement insoutenable. Donc j'entends, bon, les satisfecits, je vous les laisse, mais j'entends qu'il y a une légère amélioration des ratios financiers, j'entends qu'il y a un léger désendettement. Néanmoins, vous allez réemprunter 3 millions et demi l'an prochain, c'est toujours 3 millions et demi de trop. Donc il ne s'agit pas non plus d'avoir une approche complètement catastrophiste. Je pense qu'il y a, j'allais dire, je ne sais pas si vous êtes sur la bonne trajectoire, en tout cas, il y a des efforts qui sont consentis. Mais on ne peut pas dire d'une part, arrêtons d'agiter le chiffon de la dette parce que c'est une réalité, même si la situation est moins grave en 2025 qu'elle a pu l'être en 2015, en 2020, elle reste préoccupante. Et ça, c'est aussi un devoir de transparence qu'on a vis-à-vis des électeurs, de pas s'enorgueillir d'efforts qui sont largement insuffisants. Je vous rejoins, la situation reste préoccupante, c'est une réalité. Maintenant, la situation 24-25 est meilleure que la situation des années précédentes. Donc, voilà. Et quand on dit ça, on a tout dit. Cédric Pape. Oui, je vais répondre très rapidement. Parce qu'en fait, tu amènes la question et aussi la réponse. Et c'est vrai que c'est préoccupant. Moi, je ne prends pas, juste déjà, je ne prends pas les bagnoletais, les bagnoletaises, je ne sais plus ce que tu as dit, mais pour des imbéciles, c'est ça ? Bon, non, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas très gentil de me faire dire cela alors que je ne le pense pas du tout. Mais bon, dont acte. Mais la dette, encore une fois, enfin, je vais me répéter, hein, et je le ferai tout le temps, parce que c'est un sujet préoccupant, mais ça ne doit pas être un sujet instrumentalisé. Or, j'ai vu là, dans les différentes interventions, que parfois, oui, j'ai le sentiment que c'est instrumentalisé à haut niveau. Et donc, on est là, parce qu'on est aussi là pour défendre notre bilan, pour dire que la dette est sous contrôle, qu'on emprunte de moins en moins année après année. Et en plus, tu le reconnais, donc c'est un débat constructif. De toute façon, les chiffres sont là, donc c'est bien de marquer que cette municipalité va dans le bon sens. On ne va peut-être pas assez loin, dont acte, mais encore une fois, moi, au-delà de la ligne budgétaire, et je le défendrai tout le temps, c'est qu'est-ce que ça apporte aux bagnoletaises et aux bagnoletais. Et quand on est en réunion publique à l'ANOU, je ne sais pas si vous y étiez, ou si vous aviez des ambassadeurs dans la salle, mais à la fin de la réunion, il y a eu des applaudissements sur la transformation du quartier de l'ANOU. On n'a pas payé les gens pour qu'ils nous applaudissent. Donc, si vous voulez, là, les gens, j'aime pas ce terme-là, je vais rectifier, les habitants de l'ANOU, à ce moment-là, ils se rendent bien compte qu'on fait le maximum pour essayer d'aller sur des sujets importants. Là, il y a un peu de taquinerie dans mes paroles. L'important, ce sont les flux des ordures ménagères dans le quartier. Et ça, j'entends personne en parler. Mais quand vous arrivez et que vous leur dites « on a peut-être enfin résolu le flux d'ordures ménagères dans le quartier », je peux vous dire qu'ils ont un sourire énorme. Donc, oui, on s'est fait applaudir à l'ANOU, et ça sert à ça, la dette, en fait, parce que c'est le volet 2 du NPNRU. Et on ne va pas vous dire, comme a pu le dire un collègue par le passé, que la dette enrichit. Voilà. Ça, on ne vous l'a pas faite, celle-là. J'ai évité parce que je savais que là, ça aurait été trop dur. Et encore une fois, quand on pose la première pierre de la piscine ce matin, de la nouvelle piscine, on parle bien de l'avenir aussi. Et du dojo, merci monsieur le maire de le rappeler. Parce que c'est bien de dire qu'il y a des équipements sportifs qui sont en train peut effectivement de vieillir, mais c'est aussi bien de rappeler dans la même phrase tout ce qui en va sortir de terre et qui fera partie du bilan, c'est-à-dire la nouvelle piscine, c'est-à-dire le dojo, c'est-à-dire la destruction de la dalle des Malassis. Je sais que dans le public, il y a des gens attachés aux Malassis. Je sais qu'il y a dans le public des personnes qui, pendant beaucoup d'années, ont voulu la destruction de cette dalle. Ben, c'est fait. C'est fait. Et vous verrez là, dans les prochains mois, la transformation du quartier. C'est plus « il va se passer », c'est « qu'est-ce que se passe-t-il aujourd'hui ?» Donc voilà, ça sert à ça, la dette. Allez-y, Monsieur Stalens. Très rapidement, beaucoup de choses ont été dites et je me suis longuement étendu sur le sujet de la dette. Mais j'aimerais juste revenir quand même rapidement sur ce problème de dette, mais très rapidement, tout à l'heure, au bout de 11 ans, le bilan que vous avez fait vous-même, Monsieur Pape, de l'action municipale, vous l'avez résumé en remboursement des emprunts toxiques, l'ANOU 1 en rue, en l'ANOU 2 et de mémoire la construction d'écoles. Enfin, des écoles, il y en a une qui est en cours de construction. En fin de compte, votre bilan, au bout de 11 ans, il est à venir. Le dojo n'existe pas, le gymnase n'existe pas, l'école n'est pas encore livrée. Enfin, au bout de 11 ans, on se rend compte que ça va peut-être arriver, ça va peut-être c'est pas venir. Peut-être. Voilà. Non, mais ça, c'est pas peut-être. Ça sera mon et ça sera soyez mon comme quoi peut-être. Le désendettement est très important et qu'on aurait peut-être dû l'engager bien plus tôt dans les mandatures précédentes pour arriver peut-être aujourd'hui à avoir peut-être plus de capacité d'investissement. Et je vais maintenant parler d'investissement puisque c'est un sujet qui me concerne, le commerce. Vous vous apprêtez à dépenser 700 000 euros dans le cadre d'une opération de revitalisation du centre-ville, ou en tout cas redynamisation du centre-ville au travers de la création d'un commerce, d'une boucherie. Vous avez acheté pour, excusez-moi, 300 000 euros de locaux et on s'apprête aujourd'hui à faire 410 000 euros, mais j'ai vu 312 000 sur les documents que je me suis fait envoyer cet après-midi. On s'apprête à investir 312 000 euros dans des travaux. Et sur ces 312 000 euros, excusez-moi, je suis un petit peu énervé, on va investir 161 000 euros de matériel. Ben ouais. On va acheter des frigos, on va acheter des vitrines, on va mettre une enseigne lumineuse, on va mettre l'intégralité des billots, des accessoires à couteau, on va mettre l'intégralité des moyens nécessaires et des matériels nécessaires à disposition d'un boucher, d'un seul commerce unique. Avec 700 000 euros, j'aurais préféré qu'on relance le marché, qu'on le réinstalle gratuitement pour les commerçants, qu'on fasse des opérations de communication, d'événementiel, qu'on remette à disposition le centre-ville, qu'on aille voir tous les commerçants et qu'on leur propose de travailler ensemble. Voilà peut-être ce que ces 700 000 euros auraient pu être utiles. C'est là où ce que je vous reproche, en fin de compte, c'est un problème de manque de concertation, puisque vous achetez les locaux, vous faites les travaux, vous faites les choses seuls. D'ailleurs, la structure dans laquelle vous nous engagez n'est pas très correcte, en tout cas peut-être pas très légale, puisque vous ne pouvez pas nous faire acheter du matériel dans le cadre d'un investissement. C'est une subvention. Il faut qu'on passe par le biais d'une subvention, pas de la structure que vous nous proposez dans ce budget aujourd'hui. Je vais en finir là, c'est juste symptomatique. C'est très symbolique. Vous essayez non, de faire des choses... Vous dépensez beaucoup d'argent et pour un résultat qui est minime, voire pas nul. Symbolique. Parce qu'aujourd'hui, je me demande réellement si on a besoin d'une boucherie. On en a une aussi à Des Carnots. Ah oui, les gens me disent qu'ils veulent un boucher traditionnel en centre-ville. Eh ben, et vous le disiez vous-même il y a quelques années. Il y a les mordus de la viande qui se trouvent un peu plus haut. On a un boucher traditionnel dans la rue Des Carnots. On n'est pas en manque. On manque de fromagerie, on manque de poissonnerie, on manque de vêtements, on manque d'outillage, on manque de plein de choses à Bagnolet, mais pas de boucher. Et certainement pas un boucher à ce prix. Alors juste et ce pour, boucher, et juste pour en terminer, oui. Juste on pourra en terminer. Et j'ai pris le temps, vous m'aviez vanté les mérites du boucher qui va venir s'installer à Bagnolet. Il n'est pas bon. Je vous invite à regarder les avis déposés sur Maps. Le concernant, je peux vous en prendre le temps d'en lire un ou deux si vous le souhaitez. D'ailleurs, il y en a un qui est très intéressant, qu'il est un peu en corrélation avec ce qui nous regroupe ce soir. Bougez pas, je vais le retrouver assez rapidement. puisqu'on parle quand même de quelqu'un qu'on va installer, pour lequel on va dépenser de l'argent. Donc, Alors, en attendant qu'il trouve le son truc, indépendamment, peu importe le choix de l'entreprise et du commerçant, il faut quand même savoir que maçonnerie, menuiserie, etc., le montant des travaux s'élève à 166 400 euros pour une boutique qui doit être de l'ordre de 45 mètres carrés à peu près. Ça fait 3 700 euros de travaux par mètre carré, ce qui est un prix totalement mais aberrant. Jamais vu dans les, avec les vraies entreprises. Parce que si beaucoup de travaux sont en lien avec l'activité précise, justement, donc du boucher en question, des aménagements spécifiques à son activité qui coûtent énormément d'argent, qui vont nous emmener non pas à 160 000 euros d'aménagements spécifiques pour son activité, mais plutôt autour de 200 000 euros. Imaginons que maintenant cette boucherie ne fonctionne pas, monsieur le maire. Mais on va louer, en fait. Alors vous allez louer, on le matériel. Reste propriétaire, c'est justement. Quel est le montant du loyer ? Allez-y, je vais vous répondre. Alors j'aimerais bien, parce que vous nous vantez des mérites quand même de quelqu'un, je vais prendre le temps de vous lire un des commentaires, et j'invite tous les membres du conseil municipal à aller voir les commentaires du fameux boucher en question. Cela fait 45 ans que j'habite le quartier à cette boucherie, et cette boucherie, depuis sa remise en état, est une horreur. Je pense que le patron a décidé de faire payer à tous les clients le montant des travaux. Là, c'est pas le cas, c'est nous qui allons les payer. Pour autant, si les prix sont très, très élevés, cela ne garantit pas la qualité des produits et surtout l'accueil de la clientèle. Le personnel très jeune est absolument, absolument désagréable. Je ne sais pas s'il est compétent, mais il est désagréable certainement. Le seul problème, c'est que cette boucherie est l'exemple même de vente forcée, car il n'existe pas d'autres boucheries dans le quartier. Le patron est très peu présent dans son magasin, très suffisant, surtout depuis que M. Hollande vient faire ses courses dans sa boucherie. Enfin, il y a des commentaires, les derniers commentaires sur les 12 derniers mois. Alors, Monsieur Stalens. Sont très inquiétants. Alors, Monsieur Stalens, vous savez, il y a quelqu'un qui avait surnommé Cédric Pape au cours du précédent mandat l'élu chargé des kebabs lorsqu'il était chargé du commerce. Donc, on peut pas, à longueur de temps, dire, et vous me l'avez dit, vous l'avez écrit, oui. Vous l'avez écrit, qu'on ne peut pas laisser une rue Sadi Carnot pas dynamique comme elle est, avec des kebabs, des agences immobilières et autres commerces. Et vous me dites, mais il faut que la puissance publique soit active. Donc la puissance publique est active. Et voilà le coût de la puissance publique. Alors, vous avez oublié de dire une chose, c'est que le coût d'achat, c'est 300 000. C'est financé à 150 000 euros par la métropole du Grand Paris, parce qu'on a été lauréat d'un concours lancé par la métropole du Grand Paris, centre-ville vivant. Et effectivement, devenir propriétaire de deux petits locaux minuscules, ça a un coût. Alors peut-être que vous ne rencontrez pas les habitants qui souhaitent avoir une boucherie traditionnelle. Moi, je les rencontre régulièrement. Donc voilà, c'est le choix qu'on fait. On investit. Effectivement, on investit, ça a un coût. On est au niveau de l'estimatif. On va rester propriétaire, parce que l'objectif, c'est de voir comment ça se passe. On est lauréat d'un concours, on ne va pas lui vendre le local directement. Donc, on loue et on voit comment ça se passe et on garde la main. Mais on ne peut pas dire tout et son contraire. Il y a une amie très proche à vous qui, pendant longtemps, me disait « on n'a plus de boucherie en centre-ville ». Vous voyez ? Mais si, c'est la réalité. À un moment donné, on ne peut pas dire tout et son contraire. C'est trop facile. C'est trop facile de dire tout et son contraire. Je peux vous répondre. Vous voyez ce que je veux dire sur la dette, sur la dette, vous oubliez juste un truc important. Lorsque j'ai été élu en 2014, la ville de Bagnolet devait 20 millions d'euros à Sequano pour l'aménagement de la dalle de la Noue. OK ? J'ai mis 8 ans à régler la dette à Sequano. Aujourd'hui, on n'a plus de dette à Sequano. Alors moi, je veux bien qu'on me parle de la dette. Il y a la dette qui est dans le budget, puis il y a la dette qui est à côté. Et la dette à côté, c'était 20 millions d'euros à Sequano pour la convention publique d'aménagement. Allez-y. Non, je vais pas insister sur ce sujet. Je vais vous laisser passer au vote, j'imagine, après l'intervention d'Edith Félix qui attend désespérément. Alors, veuillez m'excuser, je n'avais pas l'intention de réintervenir, mais là, quand j'entends ce qui se dit, ça me fait réagir. Bon, sur la dette, il y a quand même un petit sujet, hein, c'est qu'on a donc trois échéances de dette de remboursement d'un emprunt in fine, en 2031, 2033, oui. 2035. Oui. Donc aujourd'hui, on commence à provisionner pour le premier, mais pour les autres, on n'a pas de solution. Donc je rappelle aux futurs candidats que le prochain mandat durera 7 ans, puisqu'il y aura les élections présidentielles en 32. Donc les élections municipales seront reportées d'un an. Donc le prochain mandat, et on aura deux échéances de prêts in fine à payer. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas de solution. Ensuite, sur l'ANOU, je continue, sur l'ANOU, donc moi, j'étais au conseil de quartier de l'ANOU, Donc l'emprunt a été souscrit en 2015, ça ne t'a pas empêché de me rejoindre sur ma liste en 2020. Les emprunts toxiques étaient connus, ils étaient signés. Depuis 5 ans, ça n'a pas empêché. Oui, alors pourquoi depuis 2020, depuis Jean-Claude Oliva de voter le budget Monsieur le maire, 2019, vous m'avez coupé la parole, je la reprends. Pourquoi depuis 2020, on n'a pas provisionné de quoi de rembourser cet emprunt? Pourquoi, comme on l'avait dit, on n'a pas provisionné tranquillement? Là, aujourd'hui, pourquoi on provisionne 1,4 million et non pas 2,6 millions? Voilà. Donc, ensuite, sur l'ANOU, là, j'entends des choses, j'entends Monsieur Pape qui s'approprie les lauriers d'avoir géré les flux de déchets. Alors là, c'est formidable, parce qu'en fait, le projet de renouvellement urbain de l'ANOU, pour un budget de 35 millions, le projet lui-même, dans sa conception, ne prévoyait pas la gestion des déchets et les mobilités des personnes à mobilité réduite, les passages pour les personnes à mobilité réduite. C'est le Conseil citoyen de l'ANOU qui a fait un boulot extraordinaire et qui a fait valoir qu'il y avait des impensés dans le projet de renouvellement urbain. Alors, ensuite, on leur fait comprendre que oui, ça va être un surcoût. Alors que ça aurait dû être pensé dès le départ. Donc il y a une mauvaise gestion, un mauvais suivi des projets de renouvellement urbain. On essaie de leur faire croire que c'est un surcoût et que, gracieusement, la ville, on promet 5 millions d'euros supplémentaires non inscrits au budget pour gérer ça. Alors que c'est inepte. C'est ça l'ineptie. C'est ça, ce sont des promesses. Bah non, pas Cédric, du tout. Cédric va vous répondre. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez voté tous les budgets où on ne provisionnait pas le remboursement des emprunts in fine, et le premier budget où on rembourse, où on provisionne pour rembourser l'emprunt in fine, vous votez contre. Juste un petit souci de cohérence. Cédric Pape. Oui, excuse-moi d'écouter le Conseil citoyen. Enfin, sincèrement, effectivement, j'ai repris cette délégation en cours de mandat. Effectivement, j'ai reçu le Conseil citoyen à de maintes reprises. Effectivement, je parle énormément avec son représentant, celui qui fait du bon boulot, Baptiste de la Place. Et effectivement, je les ai écoutés. Effectivement, il a un peu tapé du poing sur la table pour dire ce projet-là sera mal ficelé, sera mal réussi si vous ne prenez pas en considération la gestion des flux d'ordures ménagères. Oui, il avait raison. Oui, je l'ai écouté. Oui, on a beaucoup bossé avec les services et les élus et il y a eu des discussions houleuses. Et effectivement, je les ai écoutés. Effectivement, ils sont très heureux. Et effectivement, il y a un dépassement de 5 millions d'euros. C'est un budget de 20 millions. Hein. C'était pas 35, mais je me permets juste de rectifier. Donc oui, j'ai écouté les habitants de Bagnolet qui vivent à l'ANOU. Oui. En fait, le surcoût, il vient justement de l'augmentation et de l'inflation. Il y a effectivement... C'est quand même bon. Il y a d'autres interventions. C'est absolument pas ce que. Bonsoir à tous. Excusez-moi de casser un petit peu l'ambiance, hein, mais j'aimerais savoir si ce soir on votait le budget ou si c'était les déclarations de candidature pour les élections municipales prochaines. Parce que je pense que les habitants qui sont là, ici présents, ils sont là pour voir si le budget va être voté. Donc j'aimerais bien qu'on puisse avancer sur l'ordre du jour si ça ne vous dérange pas. Bon, je vous propose de passer au vote. Bonne proposition, Mamadou. Donc, je vous propose de passer à... Je vous propose d'abord de voter sur le budget primitif, hors chapitre 65. Parce qu'il y a du monde dehors dans votre majorité, hein. Tu veux intervenir, Merlehan ? Oui, je veux bien. Vas-y. Alors, monsieur le maire, je vous remercie, mesdames et messieurs les élus, chers collègues. Alors, nous l'avons tous compris, nous sommes ici donc pour voter le budget et celui-ci donc revêt un caractère particulier, moment crucial, qui, comme nous pouvons le constater, marque la fin de notre mandature. Alors, je voulais parler un petit peu, faire un bilan de l'action culturelle au cours de ces dernières années. Car comme le dit le dicton, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Pour inscrire ma prise de parole dans un cadre spatio-temporel, je ne m'intéresserai qu'à la mandature que j'ai effectuée, c'est-à-dire 2020-2025 aujourd'hui, et pas 2026 ou après, ou alors avant, parce que avant c'était différent. Alors, tout d'abord, en concernant la culture, notre mandat a d'abord été marqué par des défis considérables, notamment les deux premières années de crise sanitaire liée au Covid-19 qui ont profondément impacté le secteur culturel, avec à l'époque un retour à la normale qui était prévu en 2025, c'est-à-dire aujourd'hui, cette année. Malgré ces difficultés, nous avons usé de tous les moyens possibles pour maintenir l'activité du secteur, par exemple par la mise à disposition gracieuse du théâtre municipal pour préserver la création artistique, le développement de manifestations artistiques dans l'espace public avec des activités pérennes aujourd'hui, comme par exemple les théoparcs, ou le maintien des actions d'éducation artistique et culturelle dans les écoles, en tout cas dans les lieux où c'était possible, et de pouvoir également soutenir les intermittents du spectacle en leur faisant des cachets. Nous avons malgré tout également réussi à maintenir et même à renforcer notre soutien aux associations culturelles en augmentant les subventions qui leur sont allouées. Et j'en remercie ici ma collègue Yasmina Sadoud. Aujourd'hui, malgré un contexte politique et économique d'une violence inouïe, et nous le voyons encore même ici, tant au niveau national qu'international, le budget de l'action culturelle a été donc cette année sanctuarisé, il était temps, très important, témoignant de notre engagement indéfectible envers la culture et ses acteurs. Les combats ne se gagnent pas seuls. Pour trouver des financements extérieurs, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'établissement public territorial d'Est Ensemble ou encore avec le soutien du Conseil départemental. Ce sont ces partenariats fructueux qui ont permis la création d'événements forts et récurrents, comme par exemple Ciné sous les étoiles, ou encore avec le concours des rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Nous avons, les élus de la culture d'Est Ensemble, initié le festival Boost, dédié aux danses dites urbaines, nous tournant ainsi vers nos jeunes, car nous souhaitions redonner ces lettres de noblesse aux cultures de nos quartiers. Nous avons aussi développé l'éducation artistique et culturelle, avec aujourd'hui la 4e génération d'EMOS dans les quartiers politiques de la ville, ou cette année la 2e édition de la Cité des Marmots avec les écoles. Autant de manifestations qui ont su rassembler et fédérer nos concitoyens autour de moments de partage, de rencontres, de découverte, d'ouverture à l'autre et sur le monde. Au regard de ma feuille de route requérant un travail en transversalité, notamment avec les secteurs de la jeunesse et de l'éducation, le développement de la médiation culturelle au sein du service de la culture a été pour moi une priorité. Nous avons œuvré pour rendre la culture accessible à tous, analysant les besoins et les demandes permettant de mieux cibler les publics avec les budgets qui nous étaient alloués, en particulier ceux les plus éloignés des équipements culturels. Je dis bien ceux éloignés des équipements culturels et non pas ceux éloignés de la culture, car c'est un terme que je retrouve de plus en plus souvent dans la bouche des politiques et qui me hérisse le poil, comme si certains publics pouvaient être éloignés de la culture. Il n'y a pas une culture, il y a des cultures et des équipements culturels, et c'est ça que nous avons cherché à faire. Cette démarche, elle a permis de tisser des liens entre les artistes, les œuvres et les habitants, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel de notre ville. Parmi les dispositifs mis en place, le programme Enfance de l'art a permis de sensibiliser les plus jeunes à l'art et à la culture dès le plus jeune âge. La médiation proposée par le service patrimoine avec les écoles et les collèges a été renforcée, offrant aux élèves des opportunités d'apprentissage et de découverte en dehors du cadre scolaire traditionnel. J'ai encore en tête, je ne sais pas si vous êtes allé la voir, l'exposition d'art contemporain qui a été créée, imaginée, mise en place par les élèves de 5e de classe SECPA du collège Politzer, qui était tout à fait magnifique. Et ils ont été d'excellents médiateurs culturels et commissaires, co-commissaires d'exposition. Également surfant sur la vague des Olympiades culturelles, puisqu'il fallait trouver des financements, donc on a surfé sur la vague des Olympiades culturelles, et le coup de projecteur sur le hip-hop mis par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous avons également mis en place un dispositif dédié aux jeunes rappeurs, leur offrant un espace d'expression, mais également de formation. Ce projet a permis de valoriser les talents locaux, de favoriser leur rapprochement des équipements culturels. Pour certains, c'était la première fois qu'ils venaient au Théâtre des Malassis, ils ne savaient même pas qu'il existait. Nous avons donc souhaité envoyer un message fort à notre jeunesse. Le bonheur et l'énergie de notre jeunesse qui a rempli le Théâtre municipal restera pour moi un souvenir mémorable de ce mandat, plus que les prises de bec au sein de ce conseil municipal. Je remercie mon collègue Choky Haddad, ici présent, d'avoir saisi cette opportunité au vol. C'était un bon kiff. Et peut-être pourrions-nous nous en inspirer, nous appuyant nous aussi sur les valeurs défendues par le hip-hop. Peace, love, unity and having fun. En regardant vers l'avenir, nous avons des projets ambitieux qui vont marquer durablement notre paysage culturel. Quoi qu'on en dise, ils sont en route, ils sont en cours. Dans le cadre de la première phase de la rénovation urbaine du quartier des Malassis, la reconstruction du conservatoire est un projet phare qui ancrera et marquera l'identité culturelle de notre ville. Je remercie d'ailleurs ici mon collègue à l'urbanisme, Cédric Pape, d'avoir su m'associer au moment important qui, justement, faisait se retrouver la culture et le patrimoine, notamment dans le cadre du projet du PLUI d'Est Ensemble. Et nous continuerons, effectivement, par la rénovation de l'ancienne mairie. Ça aurait dû se faire plus tôt, etc., toujours, bien sûr. Vous pouvez, alors, s'il vous plaît, arrêtez vos petites têtes comme ça, parce que je trouve ça vraiment très, très, très... Surtout quand une femme prend la parole. Je ne sais pas si vous en êtes déjà aperçu. Il faudrait regarder la vidéo à nouveau. Mais faites attention à ça. Donc, nous continuerons par la rénovation de l'ancienne mairie avec la préservation pour la préservation... Arrêtez de pouffer quand je parle. Avec la préservation de notre patrimoine à travers les peintures de la salle des mariages inscrites au monument historique. Bien entendu, nous ne pouvons ignorer le contexte financier dans lequel nous évoluons. J'aimerais avoir à disposition le budget de certaines villes de l'Ouest parisien dont le problème est le sous-endettement. Mais non, notre ville est fortement endettée et cela pèse sur nos capacités d'investissement. Cependant, le choix a été fait de protéger le budget de la culture, conscient que l'accès à la culture est un droit fondamental et un levier essentiel pour le vivre ensemble. Alors, attention, je jette un pavé dans la mare, j'irai même plus loin en affirmant qu'investir dans la culture, c'est contribuer à résorber la dette. En conclusion, malgré les contraintes budgétaires et les défis posés par les crises successives, nous avons su maintenir un cap pour la culture. C'est la raison pour laquelle, en votant ce budget, vous ferez preuve de votre engagement continu en faveur de la culture et du patrimoine, comme il n'existe que dans les municipalités de gauche. Une gauche unie et forte, un Bagnolet écologique et solidaire. C'est dans cet esprit d'équipe et de solidarité que j'ai soutenu les propositions issues des différents groupes composant la majorité tout au long de ce mandat. Pour finir, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des élus, pour la confiance et le soutien indéfectible que vous avez témoigné à la culture tout au long de ce mandat. Votre engagement a été un véritable moteur pour nos actions et un gage de réussite pour nos projets. Chers collègues, j'entends la frustration, j'entends le désir de faire plus, de faire mieux, de faire différemment, et je m'inscris dans ce désir. Mais aujourd'hui, ne nous trompons pas de combat. L'union fait la force. En ces temps troublés, marqués par un recul démocratique préoccupant, où le secteur culturel qui éveille les esprits et réchauffe les cœurs est le premier visé dans les coupes budgétaires, votre geste de cohésion revêt une importance particulière. En votant ce budget, vous soutenez la culture. Vous reconnaissez l'importance de défendre les identités et la diversité culturelle qui font la richesse de notre société. Tout au long de ce mandat, vous avez su, en votant les décisions, affirmer que la culture est un pilier essentiel de notre démocratie, un espace de liberté et d'expression où chacun et chacune peut trouver sa place. C'est grâce à votre soutien que nous avons pu mener à bien des initiatives ambitieuses, mais qui pourraient l'être encore plus. Créer des événements fédérateurs et renforcer les liens entre les habitants et leur patrimoine culturel. Pour tout ceci, je vous remercie pour votre engagement et votre vision. Ensemble, continuons à défendre et à promouvoir la culture, garante de notre cohésion sociale et de notre identité collective. Continuons à faire de notre ville un lieu où la culture est vivante, accessible et source de fierté pour tous. Continuons de nous battre pour qu'ensemble et unis, tout soit possible. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien. Merci, Maire Lehan. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant qu'on passe au vote ? Manon et Daouda. Comment passer après Maire Lehan ? Compliqué. Je vais être très très très rapide, mais, puisque j'en vois certains bâiller. Donc ce soir, nous avons l'occasion d'approuver le budget et donc de permettre de maintenir les subventions aux associations qui jouent un rôle crucial dans notre engagement en faveur de l'emploi et de l'insertion. Ces subventions ne sont pas qu'un simple soutien financier, elles sont un investissement dans l'avenir de notre territoire. En soutenant l'entreprise à but d'emploi, nous renforçons un des outils de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée et faisons ainsi le choix d'une politique sociale engagée. Chaque euro engagé aujourd'hui dans ces subventions est un pas vers l'insertion pérenne où chaque citoyen peut trouver une place sur le marché du travail, contribuant ainsi à la vitalité économique de notre commune. Merci. Merci. Daouda, après on vote. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, comme ma collègue maire Anne, je vais parler de la coopération internationale durant notre mandat. Donc, depuis 2020, nous avons beaucoup travaillé sur la coopération internationale. Malgré le Covid qui a bien ralenti les échanges avec les communes et la coopération décentralisée avec la nôtre. Nous sommes toujours en coopération internationale avec les communes étrangères suivantes, Akbou en Algérie, Chatila les ressortissants de la Palestine, Massala au Mali, Oranienburg en Allemagne, Sesto Fiorentino en Italie. Depuis de nombreuses années, les coopérations décentralisées avec Akbou et Massala sont en difficulté. Cela est un problème politique entre les gouvernements algériens, maliens et français. À cause de cela, les communes en coopération décentralisée avec ces deux pays se mobilisent avec Cités Unies France pour résoudre ces problèmes. Chaque année, Cités Unies France fait des réunions avec les communes à l'Assemblée nationale et au Sénat afin de garantir la décentralisation de ces coopérations. En 2023 même, François Hollande, notre ancien président, a participé à une de ces réunions à l'Assemblée nationale. En plus de cela, les élus de la commune de Sesto-Fiorentino ne se mobilise pas pour continuer la coopération décentralisée malgré l'effort du maire Tony et de moi-même, alors que c'est la première ville jumelée avec Bagnolet depuis 1962. Mais le côté positif actuel de notre coopération décentralisée est la gestion des relations entre Palestine et Bagnolet, toujours accompagnée par Cité Unie France pour les voyages dans ce pays en difficulté. Avec la commune d'Oranienburg, en Allemagne, les relations sont plus intenses et cordiales avec notre invitation en 2024 par le maire de cette commune. Et nous sommes prêts à recevoir le 25 juin prochain une délégation de cette ville accompagnée par leur maire. Effectivement, Bagnolet est la première commune jumelée avec Oranienburg depuis 1964, même si cette commune est jumelée avec cinq autres communes, dont deux sont allemandes comme elle-même. Aussi, sur le plan international, vous le savez tous, Bagnolet a toujours intervenu, toujours, pour soutenir les pays étrangers en difficulté. Vous vous souvenez de notre soutien en apport de fonds solidaires pour Haïti, pour l'Algérie et le Liban. Nous travaillons toujours pour l'honneur de notre commune dans la coopération internationale. Merci. Il y a d'autres demandes d'intervention. Jules Ragnon. Bon, je vais être très court parce que bon, je pense qu'on a tous envie de rentrer en même temps, même si on a encore pour un moment. Mais je voulais juste dire qu'à titre personnel, j'étais plutôt très fier de voter un budget qui, de gauche qui refuse de rogner sur les services publics et qui lutte contre les inégalités face aux politiques libérales de tous les gouvernements de droite qui suivent. Et on a à peu près que ça, les gouvernements de droite. Donc voilà, merci. D'autres... Je propose de passer aux voix. Donc, qui est pour approuver ce budget, hein, 65, ça part, c'est après. C'est pour permettre à Jean-Claude de pouvoir dire aux associations qu'il n'est pas contre les associations. Donc, qui est pour approuver le budget primitif 2025 ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vais demander aux élus concernés par des associations de se déporter. Des rôles actifs dans des associations de se déporter. Ensuite, on va passer au vote du chapitre 65 qui concerne les subventions accordées aux associations. Et là, on va se rendre compte qu'on peut à la fois voter contre un budget et pour les subventions aux associations de l'ordre d'1,3 million. Donc, qui est pour approuver ce chapitre 65 ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Les collègues peuvent revenir. Fixation des taux. Donc les taux restent à changer par rapport à l'an dernier. Est-ce que ça appelle des remarques de votre part ? Pas de remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé, je vous remercie. Délibération suivante, modification de la délibération du 25 mai 2022 créant des emplois permanents et autorisant le recrutement d'agents contractuels dans le cas d'absence de cadre d'emploi de fonctionnaires à la direction de la santé. Est-ce que ça appelle les observations ? L'homme en noir s'en va. Est-ce que ça appelle les observations ? Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Mise à jour du tableau des effectifs. Est-ce que ça appelle des remarques ? Oui. Bonsoir. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Monsieur le maire, mes chers collègues de la majorité, mes chers collègues. Le tableau des effectifs qu'on nous propose aujourd'hui est, sur le papier, une mise à jour technique. Mais en réalité, c'est un révélateur politique fort. Nous traversons une crise sociale profonde. Partout, les services publics sont attaqués, fragilisés, vidés de leur sens. Et dans ce contexte, la commune doit être un bastion de résistance. Parce que c'est au plus près du quotidien que se joue l'accès aux droits, à l'éducation, à la santé, à la dignité. Aujourd'hui, que montre ce tableau des effectifs ? Une ville qui peine à recruter, qui s'appuie de plus en plus sur des agents contractuels pour pallier le manque de titulaires, notamment dans des secteurs essentiels comme la santé. Ce n'est pas un choix, c'est un constat. Mais ce constat, nous ne pouvons pas nous y résigner. Ce recours à des contractuels traduit une fragilité profonde de notre modèle, attractivité insuffisante, précarité de certains postes, manque de stratégie à long terme. Nous l'avons vu lors de la présentation du rapport Égalité femmes-hommes, le recours aux contractuels accentue l'écart salarial en défaveur des femmes. Il est pour les fonctionnaires de 3,1% et encore plus important pour les contractuels de 4,6%. Et pourtant, les agents sont là, engagés, présents, parfois dans des conditions de travail difficiles, et ils respectent nos services debout. Alors oui, nous avons besoin d'un service public fort, et cela passe par des effectifs stables, bien formés, reconnus, accompagnés. Cela passe par une politique de ressources humaines ambitieuse, qui anticipe les départs, qui valorise les carrières et qui investit dans l'humain. Bagnolet doit porter haut cette ambition. Pas par nostalgie, mais par nécessité. Parce que dans nos quartiers populaires, le service public, ce n'est pas un supplément d'âme. C'est ce qui reste quand tout le reste recule. Ce tableau des effectifs est un point de départ. Mais il nous faut maintenant un cap politique clair. Faire de la fonction publique locale un levier de justice, de solidarité et de dignité. Ne pas le faire, ce serait accepter le démantèlement silencieux de ce qui nous lie. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante : mise à disposition de véhicules de service avec remisage à domicile et d'un véhicule de service avec chauffeur pour le maire. Donc c'est une délibération que nous sommes amenés à prendre suite à un rapport récent de la Chambre régionale des comptes sur la commune de Meaux. Allez-y. Oui, elle est un peu compliquée, cette délibération, alors qu'on vient de passer une heure à évoquer, ou plus d'ailleurs, à évoquer les conditions, les difficultés, deux heures peut-être, les difficultés financières de la ville, à rappeler la nécessité de diminuer les dépenses de fonctionnement pour investir davantage. Et là, vous soumettez à l'approbation du Conseil municipal une délibération qui vise à mettre à disposition d'un certain nombre de cadres de l'administration qui sont pour la plupart présents dans cette salle, de véhicules de service avec remisage à domicile, enfin, peu importe. Alors, j'avoue qu'on a du mal à comprendre les raisons pour lesquelles vous ne voyez pas sur ce poste-là précisément un gisement d'économie de fonctionnement à réaliser. Vous nous expliquerez les raisons qui vous amènent à juger opportun de continuer de mettre un certain nombre de véhicules de fonction au service de l'administration. Vous nous expliquerez aussi dans quelle mesure cette mise à disposition est proportionnée aux nécessités de service. Dans une commune qui doit faire aller à tout casser de 3 km carrés, une commune de première couronne, une commune qui est desservie par plusieurs lignes de bus, une ligne de métro, pas très loin d'une seconde ligne de métro, d'une ligne de tram. Il y a un certain nombre quand même de facilités de déplacement qui ne nécessitent pas forcément un véhicule de fonction. Il y a probablement d'autres alternatives à l'usage du véhicule individuel pour se déplacer dans Bagnolet. Et Pierre Vionnet est intervenu à maintes reprises sur ce sujet, sur le sujet du parc automobile, en vous incitant à privilégier une utilisation partager des véhicules. Bon, manifestement, vous ne l'avez pas écouté. Par ailleurs, il semble qu'aucune participation financière des cadres de l'administration soit exigée en contrepartie de cette mise à disposition. Donc, cela représente un coût annuel pour la collectivité, alors qui n'est pas communiqué dans la délibération, qui n'est pas chiffré, mais qu'on peut supposer avoisiner par an une centaine de milliers d'euros, hors acquisition des véhicules. Et là réside, je vois que ça amuse certaines personnes derrière vous, mais là réside quand même un gisement d'économie important. Et il y a quand même un deuxième élément que je voulais souligner, c'est qu'au-delà du coût financier économique pour la collectivité, il y a quand même un coût environnemental et un coût politique. Parce qu'on ne peut pas prôner des politiques de décarbonation, s'engager dans des politiques environnementales volontaristes et puis donner un contre-exemple. Si nous, élus, agents, administration, nous appliquons pas à nous-mêmes cette frugalité en véhicules polluants, comment va-t-on accélérer sur une politique de mise à disposition et de mise en place de politiques de développement, de politiques de déplacement plus durables ? Alors, ça nous paraît quand même pour le moins incohérent. Il y a probablement, mais je pense qu'Edith Félix le dira mieux que moi, d'autres modes de déplacement alternatif qui auraient pu être proposés. Alors, c'est pas, il n'y a pas de fatalité là-dedans, hein, mais en tout cas, évidemment, pour toute cette raison, pour toutes ces raisons, pardon, on votera contre cette délibération. Edouard. Bon, je vais reprendre, une fois n'est pas coutume, le propos que j'ai tenu en réunion de la majorité. Pour nous, il y avait quelques observations à faire là-dessus. C'est une mise en conformité de la loi, on ne va pas voter contre une mise en conformité avec la loi. En revanche, ce que j'ai dit, c'est que dire que le budget est serré et qu'il faut contraindre les dépenses et avoir la délib qui arrive après, qui a symboliquement, on n'est pas à la hauteur du budget de la ville, mais qui symboliquement met à disposition, alors que les cadres aient besoin, c'est pas un véhicule de fonction, c'est un véhicule de service, bon, que les cadres aient besoin d'un remissage à domicile, pour certains, je n'ai même pas rentré là-dedans. Moi, j'ai ciblé le véhicule du maire, tout simplement pour une raison simple, c'est pas parce que c'est le maire, c'est parce que c'est le genre de symbole un peu hors d'âge. Et j'avais demandé, on m'avait dit oui, je vois que c'est non, qu'on change la délib pour que ce soit un véhicule de poule. Parce que... C'est changé ? Dans le corps du texte, on l'a changé. Ah, dans le corps du texte, bon. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est vrai. Donc, dans le corps du texte, c'est un véhicule de poule. Malgré tout, il y a des questions d'image. On ne peut pas continuer à acheter des véhicules flambant neufs, qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, et appeler dans le même temps à ce que tel ou tel service fasse des économies, parfois de bout de chandelle. Et donc, ce n'est pas une attaque, c'est juste pointer qu'en France, en politique, le véhicule individuel, c'est un symbole. C'est un symbole, ça charrie beaucoup de choses, mais ça serait bien d'essayer de s'en départir au maximum. Alors, on va être raisonnable. Il y a, dans les fonctions de maire, des déplacements qu'il faut faire plus loin que la commune. Parfois, on a besoin, sur un agenda serré, d'être en véhicule individuel. Mais je voudrais terminer sur une chose. Rouler en voiture dans la ville, beaucoup, c'est pas voir ce qui se passe quand on marche, quand on fait du vélo, quand on fait de la trottinette, quand on court pour attraper un bus. Et il faudrait qu'on se rende compte au quotidien que la voiture nous empêche de voir une partie de la ville. Et je le dis pour les élus, je le dis pour les agents, on a besoin de voir la ville à hauteur de marche, à hauteur de vélo, à hauteur de déplacement du quotidien, pour réussir à l'appréhender dans sa globalité. Sur le véhicule de poule, effectivement, on a intégré tes remarques à la délibération, hein, puisque c'est un véhicule... mutualisé, c'est un secret pour personne que je ne conduis pas. Voilà. Donc j'ai besoin d'un chauffeur pour mes déplacements. Mais c'est aussi juste de dire qu'il faut se déplacer à pied. Donc je me déplace aussi beaucoup à pied pour voir les trous, pour voir les dépôts sauvages, pour voir, etc., etc. Et croyez-moi que le directeur général des services techniques ici présent peut témoigner du fait qu'il reçoit une quantité de photos tous les jours. On a communiquer des éléments sur la flotte auto de la ville. On achète des véhicules électriques. On va acheter 3 vélos cargo. On mutualise le plus possible. On a supprimé tous les véhicules critères 4, 5. On s'est mis en conformité avec la loi. Et vraiment, on a fait un effort assez important en la matière. Edith Félix. Oui, merci. Je suis étonnée par cette note, parce que la note qui nous a été présentée en bureau municipal ne parlait que du véhicule et du chauffeur pour le maire. Donc effectivement, nous avions eu ce débat et la note a été mise à jour sur cette question-là. En revanche, nous n'avons pas débattu de l'octroi de véhicules pour les directeurs et les cadres de la ville. Donc je suis étonnée de voir cette note arriver là en conseil municipal et je propose qu'on reporte son vote. Parce que ce n'est pas ce qu'on a discuté en bureau municipal. Non, on ne va pas reporter. On ne va pas reporter. En fait, dans toutes les collectivités, il faut que le public sache, dans toutes les collectivités, les directeurs généraux ont des véhicules de service avec autorisation de remisage. Voilà, même à Romainville, c'est le cas. Oui, mais ça n'enlève pas qu'il faut nous présenter la note en bureau municipal. La direction générale a proposé d'enrichir la note, on l'a fait. Édouard Denoël a proposé d'enrichir la note, on l'a fait, et donc c'est la note telle qu'elle arrive ici. Si vous étiez venu à la coordination de la majorité il y a 3 jours, vous auriez pu faire cette remarque plutôt que de la faire ce soir en conseil municipal. Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé, je vous remercie. Délibération suivante. Adhésion à l'ALEC MVE Édouard Denoël. Oui, bonsoir, c'est un changement d'organisation du service fourni par l'Agence locale de l'énergie et du climat Maîtrisez votre énergie, dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans ce conseil municipal. Il n'y a pas d'incidence financière pour la ville, c'est une adaptation de l'offre. Il y a des remarques ? Monsieur Barjot. Oui, alors nous allons voter évidemment pour, hein, parce que c'est nécessaire. Il convient de rappeler que l'activité de l'Agence locale de l'énergie et du climat est censée remédier aux précarités énergétiques nombreuses sur Bagnolet. Alors nous, on vote pour. Néanmoins, on souhaite attirer l'attention sur le fait qu'on trouve qu'au niveau de Est Ensemble, parce que théoriquement, ALEC intervient sur trois territoires, dont Est Ensemble. Et pour Est Ensemble, il n'y a que 87 000 euros attribué à ALEC, qui a donc deux missions. La première mission, c'est quand même apporter des conseils et aider aux gens, que ce soit des personnes privées, logements seuls ou en copropriété, de pouvoir remédier aux passoires thermiques. Donc c'est peu pour Est Ensemble, 11 000, un peu plus de 11 000 pour Bagnolet, et seulement 4 500 euros pour permettre aux habitants de solliciter des rendez-vous auprès de France Rénov, qui est censé donc amener et aider les personnes à réduire la passoire thermique de leur logement. Juste un autre fait, c'est que je suis un peu étonné, malheureusement, que le nombre de sollicitations ait diminué, parce qu'on parle de 87 sollicitations aujourd'hui. Enfin, 81 aujourd'hui, c'était 115 l'année dernière et 92 l'année encore d'avant. Donc je suis un peu étonné et je regrette qu'on ne mette pas plus ça en avant pour que les copropriétés qui sont... Un fait notable, l'éco-propriété à Bagnolet, 76% des copropriétés sont antérieures à 1974, à une époque où les questions énergétiques n'étaient pas vraiment d'actualité. Oui, juste la somme que mobilise la commune, 11 000 et quelques euros, c'est donc 30 centimes par habitant, c'est le barème pour tout le monde. C'est la contribution de la commune au pot commun, ce n'est pas la hauteur des financements ou des concours sur la commune. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que c'est vrai qu'il y a eu une diminution du recours à l'ALEC à Bagnolet comme dans d'autres villes du territoire. Et c'est pour cette raison-là que l'offre va être notamment adaptée avec une partie d'assistance technique aux collectivités. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Monsieur Vionnet ? Oui, très brièvement, je ne veux pas revenir sur la délibération précédente, mais comme l'a fait ma collègue Angeline, il y a quand même là des délibérations qui succèdent et qui s'entrechoquent. Le budget avec les difficultés qu'on constate, là une délibération sur le soutien à une association qui de longue date mène des actions environnementales, et au milieu des deux, 11 véhicules alors, de service avec remisage, mais on sait bien que la seule vraie différence avec un véhicule de fonction, c'est que ça évite aux personnes de payer des impôts qui sont sinon exigés en cas de véhicule de fonction. Et je ne vais pas redire ce qui a été dit sur quand même la petite taille de la ville qui est très praticable à pied, en vélo, ça dessert en transport, etc. Alors qu'après, il y a 2 ou 3 peut-être cas où il y a des obligations de service qui obligent, je veux bien entendre. Mais 11, ça fait quand même beaucoup. Et quand vous dites, monsieur le maire, c'est le cas de toutes les communes, c'est le cas de beaucoup, mais ce n'est pas le cas de toutes. Moi, je me souviens, par exemple, d'une commune où j'ai travaillé il y a un certain nombre d'années et où la décision avait été prise de réduire de manière totalement drastique le parc automobile et en commençant par les véhicules de la direction générale. Donc, ce n'est pas toutes les communes. Non. Est-ce qu'il y a d'autres marques? Je taquine. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, convention de délégation de compétences en matière de signalisation de la ZFE-M. Edith Félix. Merci, Monsieur le Maire. Oui, donc il s'agit juste d'une délégation de compétences pour permettre à la métropole de signaliser la ZFE de façon plus large aux abords de, enfin, dans la ville en fait, donc surtout à l'entrée de ville. Donc c'est pour étendre un petit peu la signalisation, pas seulement aux entrées du périphérique et des autoroutes, mais un petit peu plus largement sur le territoire. Alors je vous invite à plébisciter cette délibération. Parce que vous le savez peut-être, le Rassemblement national et LR ont fait adopter des amendements pour supprimer la ZFE sous prétexte que cela pénaliserait les ménages modestes. En réalité, les ménages modestes sont les plus impactés par la pollution de l'air. Il y a 40 000 morts par an. Et ce sont eux qui ont le moins de voitures, hein, moins 46%, enfin 46% n'en ont pas. Voilà, donc ceux qui en ont effectivement ont des voitures anciennes et sont davantage pénalisés par la mise en place de la ZFE. Mais donc la question, c'est bien de mettre en place des mesures d'accompagnement, des aides financières pour renouveler les voitures et aussi des alternatives à la voiture, on en parlait, en particulier les transports collectifs sur lesquels on travaille beaucoup à Bagnolet. Voilà, donc votons là en espérant que ça servira quand même. Bah, votons-la, d'autant plus que c'est la dernière délibération que tu présentes en tant que membre de la majorité. Donc il faut effectivement la voter, cette délibération. Monsieur Stalens. Oui, enfin, je ne vais pas m'attarder à ce que vous venez de dire, malheureusement. Malheureusement, effectivement, il y a une remise en question de ces zones de circulation à faible émission. Et il est vrai qu'il est important peut-être de la voter, mais peut-être aussi important de peut-être temporiser. Dans le sens où, si c'est pour attaquer les voiries, commencer à faire les travaux qui vont être lourds de conséquences et devoir être remis en question dans quelques semaines ou quelques mois, je ne connais pas le processus. Je sais que c'est une délégation, je sais que ça ne nous coûte rien, je sais que pour la ville tout va bien, mais c'est quand même des travaux lourds de conséquences pour les riverains qui vont être aux abords. Donc si c'est une remise en question, attendons peut-être, je crois que ça a été demandé le 26 mars dernier, et ça doit être confirmé en assemblée plénière et par le Sénat ensuite. Mais compte tenu de la conjoncture actuelle, j'imagine que ça puisse être le cas. Donc, si on peut temporiser les travaux, faisons-le. Mais on c'est pas une remise en question de la volonté de voter cette ouais. délibération. Nous allons voter pour cette délibération, bien évidemment. Ça va dans le sens de ce que nous défendons habituellement, mais avec cette réserve, malheureusement, due au national. J'ai compris. Donc, qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Zora, trois délibérations. Conseil de crèche, avenant aux conventions d'objectifs et de financement avec la CAF pour les crèches Coccinelle et Nemo. Et convention CAF, projet public de territoire. On regroupe tout, c'est pas mal? Ouais, vas-y. Ok. Alors, pour la première délibération, cette initiative vise à renforcer la transparence et la coopération entre la municipalité, les établissements d'accueil de jeunes enfants et les familles. Nous savons combien la confiance des parents envers les structures d'accueil est primordiale. Une crèche n'est pas seulement un lieu de garde, c'est un espace de vie, d'éveil et de construction pour nos enfants. Il est donc essentiel que les familles soient pleinement associées aux réflexions et aux décisions qui concernent ces structures. Le conseil de crèche que nous proposons de mettre en place sera un lieu d'échange et de dialogue régulier entre tous les acteurs. Les représentants des familles qui pourront exprimer leurs attentes, poser des questions et proposer des améliorations. Les professionnels des crèches qui partageront leurs expériences sur le terrain et les enjeux auxquels ils font face. Et ainsi que la municipalité qui portera une vision globale et garantira la mise en œuvre des actions nécessaires. Cet organe consultatif permettra d'améliorer la communication, de favoriser la transparence sur le fonctionnement des crèches et d'impliquer davantage les parents dans la vie des établissements. Il pourra aussi être un espace de co-construction de projets pour améliorer la qualité de l'accueil et l'adaptation aux besoins des familles. Avec cette délibération, nous faisons un pas concret vers une gestion plus participative de la petite enfance dans notre commune. Nous affirmons notre volonté de construire avec et pour les familles un service public de la petite enfance plus ouvert, plus à l'écoute et plus efficace. Alors, délibération suivante. Alors, l'avenant s'inscrit dans un engagement continu dans un service public de la petite enfance de qualité. accessible et adapté aux besoins des familles de notre commune. Les conventions d'objectifs et de financement sont un levier essentiel de notre politique sociale et éducative. Ils permettent d'accompagner financièrement nos structures d'accueil de jeunes enfants en garantissant leur bon fonctionnement et en soutenant leur développement. Et enfin, la dernière délibération. Alors, à travers ce dispositif, la CAF accompagne financièrement les collectivités locales dans le développement d'actions, de soutien à la parentalité, d'inclusion sociale et d'accès aux services pour tous. Concrètement, cette convention nous permettra de développer des initiatives locales en direction des familles et des jeunes et des publics en situation de précarité, en lien avec les besoins identifiés sur notre territoire. Renforcer nos équipements et nos services, favoriser l'accès aux loisirs, à la culture et aux activités éducatives, en mettant en place des actions inclusives pour tous, pour tous les enfants et toutes les familles. Ce partenariat stratégique vise à renforcer notre action en faveur des familles et des publics les plus fragiles, en soutenant des projets adaptés aux réalités de notre territoire. Je vous remercie. Merci Zora. Est-ce qu'il y a des interventions à Angeline ? Ouais, sur les conseils de crèche, c'est une excellente initiative que nous saluons. Alors, je suppose qu'il n'y a pas eu d'expérimentation préalable. On a regardé un peu ce qui se faisait dans les autres communes. Ouais. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est de mettre un questionnaire de satisfaction pour les familles, enfin pour les enfants surtout, qui nous quittent l'année prochaine, pour qu'on puisse améliorer chaque année et voir en fonction des besoins de chaque dispositif, enfin, chaque structure, ce qu'ils ont besoin. Voilà. Non, c'est très bien. Ça devrait permettre aussi à la fois d'améliorer la qualité de l'accueil, d'associer les parents à la prise de décision, puis surtout de faire reculer. Il y a une espèce, à la fois, un vrai besoin des parents et une véritable aspiration des parents à des modes de garde collectifs, mais aussi un peu de défiance qui est liée à un certain nombre de scandales qui ont eu lieu ces dernières années dans les établissements d'accueil. Donc, c'est très bien. Ensemble pour Bagnolet et un vœu déposé par la majorité municipale qui va être présenté par Hyssen. Merci Monsieur le maire, très chers collègues, bonsoir. Concernant le vœu pour la Palestine, la ville de Bagnolet dénonce avec la plus grande fermeté l'escalade tragique de la violence dans la bande de Gaza et les graves violations du droit international qui l'accompagnent. Depuis la rupture du cessez-le-feu par les forces israéliennes, les populations civiles palestiniennes subissent une offensive militaire d'une brutalité inacceptable. Le 18 mars 2025, les frappes aériennes israéliennes ont provoqué la mort de plus de 400 Palestiniens. Cette attaque constitue l'une des journées les plus meurtrières depuis le début du conflit en 2023. Ces actes, qui s'inscrivent dans une tragique et dans une stratégie de terreur et de destruction, constitue une violation flagrante, du droit international humanitaire. Les infrastructures essentielles ont été gravement touchées. La destruction du seul hôpital spécialisé en cancérologie de Gaza aggrave une situation médicale déjà désastreuse, mettant des milliers de patients en danger immédiat. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a alerté sur les pénuries critiques d'aide humanitaire et de carburant, paralysant les services de secours et mettant en péril les vies de milliers de civils. Ces actes de privation intentionnelle de ressources vitales constituent une forme inacceptable de punition collective. La ville de Bagnolet dénonce également les déclarations et décisions politiques qui ont contribué à cette escalade. Les menaces du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, visant à annexer une partie de Gaza constituent une violation flagrante du droit international, mettant en danger les perspectives de paix et de stabilité dans la région. Ces intentions expansionnistes encouragées par l'administration du président Donald Trump sont inacceptables. En incitant Israël à intensifier son offensive militaire, et en soutenant des projets d'annexion, le président Trump se rend complice d'une politique qui bafoue les droits fondamentaux des Palestiniens. l'annonce scandaleuse de Donald Trump visant à transformer Gaza en une riviera du Moyen-Orient, couplée à la proposition de déplacer sa population vers des pays voisins comme l'Égypte et la Jordanie, illustre un mépris total pour les principes fondamentaux du droit international. Le transfert forcé de populations civiles constitue un crime de guerre passible de poursuites internationales. La ville de Bagnolet condamne fermement cette vision colonialiste qui rappelle les sombres heures de l'impérialisme et des pratiques expansionnistes du passé. Il est impératif que la communauté internationale se mobilise face à ces violations flagrantes des droits humains et du droit international. Face à cette situation tragique, la ville de Bagnolet appelle instamment à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel afin de mettre fin à la violence et de permettre un début de résolution pacifique du conflit. La ville de Bagnolet appelle à la levée immédiate du blocus israélien sur Gaza afin de permettre l'acheminement urgent de l'aide humanitaire indispensable à la survie de la population civile. Bagnolet demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante menée par les Nations Unies ou la Cour pénale internationale pour faire toute la lumière sur les violations des droits humains et les crimes de guerre commis à Gaza. On demande la mobilisation des institutions internationales pour garantir que ceux responsables de ces crimes rendent des comptes devant la justice et qu'ils soient tenus responsables de leurs actes. Et bien sûr, Bagnolet demande la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Le silence et l'inaction face à ces atrocités ne sauraient être tolérés. La ville de Bagnolet réaffirme son engagement à défendre la dignité humaine, la justice et les droits fondamentaux du peuple palestinien et appelle la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette tragédie. Merci à tous. Merci, Hissène. Des interventions. Mohamed. Merci, Monsieur le maire. Dans ce monde qui va vite, dans cette situation de basculement, avec cette évolution terrifiante du monde, ce vœu est le bienvenu. Par ce vœu, il nous est demandé d'appeler au cessez-le-feu à Gaza et à la reprise des négociations pour un cessez-le-feu permanent. Ce vœu réaffirme aussi la position traditionnelle de la France en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est-à-dire une solution à deux États souverains reconnus mutuellement. Ce vœu demande enfin l'application des décisions de la justice internationale. Je le disais, ce vœu était le bienvenu. Parce que la situation est dramatique. Plus de 50 000 personnes ont été tuées par les opérations militaires israéliennes. La liste des victimes fait 1516 pages. Les 474 premières concernent des enfants. Les 27 premières pages concernent des enfants de moins d'un an. Une situation inhumaine où le peuple gazaoui est victime d'actes de guerre que la justice internationale tend à qualifier d'actes génocidaires. Une situation insupportable où le droit international est piétiné, le cessez-le-feu rompu pour des objectifs de guerre inatteignables. Une situation honteuse où la guerre et la mort des Palestiniens sont utilisés comme des instruments de politique intérieure par Netanyahou. Une situation folle où le président des États-Unis d'Amérique se prononce en faveur de la déportation des Gazaouis survivants pour la réalisation de méga-complexes immobiliers balnéaires. Une situation douloureuse instrumentalisée en France pour attiser l'antisémitisme, l'islamophobie et toutes les haines qui concourent à fracturer notre société. Un climat nauséabond, inadmissible. Nous adressons tout notre soutien aux victimes de l'antisémitisme et pensons tout particulièrement au rabbin Ari Engelberg, violemment agressé, et à André Druyon, président de la communauté juive d'Orléans. Nous adressons également notre soutien aux personnes victimes d'amalgames odieux à l'encontre des musulmans, dont l'appartenance religieuse est réelle ou supposée en font des cibles. Il n'y a pas, en République française, de place pour l'antisémitisme, ni pour le racisme, ni pour la haine des musulmans. Il n'y a pas de place non plus aux amalgames et aux procès d'intention. Les historiens prendront le temps et le recul nécessaires pour analyser le glissement politique médiatique et sociétale que nous vivons depuis des mois. Pour notre part, nous gardons du discernement, de l'humanité et de l'internationalisme. Les crimes à Gaza doivent cesser. Un cessez-le-feu durable, la reconnaissance de l'État palestinien dans les frontières de 67, la décolonisation des territoires occupés en Cisjordanie et un processus démocratique doivent s'engager. Sans ces quatre piliers, le conflit perdurera. Or, ni l'opinion palestinienne, ni l'opinion israélienne ne le souhaitent. Alors permettez-moi d'exprimer tout mon soutien au peuple israélien qui descend dans la rue contre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Ces manifestants détiennent une part de la solution pour préserver la démocratie israélienne et engager un processus de paix durable. Pour toutes ces raisons, nous voterons favorablement ce vœu. Edouard. Bonsoir, juste dire rapidement que ce vœu nous convient, qu'on s'y associe, qu'on le votera, et d'ailleurs qu'on n'a rien à ajouter au texte. Juste deux éléments qui nous tenaient à cœur. D'une part, dire que, alors que Gaza aujourd'hui est un territoire inhabitable, certaines condamnations de l'intention génocidaire apparaissent bien tardives, et que pourtant, dès quelques semaines après le 7 octobre, les intentions du gouvernement israélien étaient claires, que les propos sont publics, et que la volonté, c'est bien de prendre le territoire bien plus que de secourir les otages, et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et d'autre part, il nous semblait important quand même de rendre hommage à la mobilisation pour le droit des Palestiniens, qui a vu jour, en France notamment. Sa criminalisation, elle a été telle, et la violence a été telle, que certains ont pu douter. Et quand les principes élémentaires de droit international sont ainsi foulés aux pieds, que celles et ceux qui se lèvent soient brocardés, soient insultés, soit poursuivi pénalement, est absolument inacceptable. Donc il faut dire, et c'est important je pense, de dire notre reconnaissance, notamment à cette jeunesse qui continue à se mobiliser, à ces syndicalistes poursuivis, à ces étudiants qui ont été mis à pied, à Sciences Po notamment, mais ailleurs aussi, parce que le juste combat pour l'égalité et l'autodétermination du peuple palestinien leur doit beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Jean-Claude. Oui, merci. Bien entendu, nous voterons aussi ce vœu. Tout ce qui est dans ce vœu nous convient et nous l'approuvons, bien sûr. Il y aurait pu y avoir d'autres choses en plus dans ce vœu, parce qu'effectivement, je crois que, et nous en sommes tous bien conscients, l'histoire ne commence pas à la rupture du cessez-le-feu. Depuis un an et demi, il y a eu plus de 50 000 morts palestiniens, gazaouis, c'est quelque chose, enfin, selon le gouvernement de Gaza, mais certaines ONG disent encore beaucoup plus. Donc voilà, il y a ça, il y a Gaza, mais il y a aussi la Cisjordanie. Pas depuis la rupture, mais depuis le cessez-le-feu, il y a eu plus d'une centaine de morts en Cisjordanie. Voilà, donc c'est aussi ça. Enfin, je pense qu'il faut. Il y a Gaza et tout ce qu'on fait en faveur de Gaza est positif. Il faut reprendre aussi le problème. Dans sa globalité, quand on parle d'annexion aussi, l'annexion de Gaza, mais ce qui se passe en Cisjordanie aussi, ce qui se passe dans le Golan syrien. Voilà, je pense qu'il y a encore matière à développer ça. Donc, encore une fois, nous votons ce vœu. On pourrait en dire encore plus et agir encore plus fort. Vas-y, Mohamed. Merci. Donc, ce soir, notre groupe vous présente un vœu important, un vœu de solidarité et de justice, un vœu de soutien à celles et ceux qui font vivre notre ville au quotidien, les agents municipaux. Ce que le gouvernement vient d'imposer, c'est tout simplement scandaleux. Depuis le 1er mars, un agent public malade est non seulement frappé par un jour de carence, mais voit aussi son salaire amputé dès le premier jour d'arrêt. Une perte sèche de revenus. Jusqu'à 200 euros pour un mois d'arrêt, qui touche en plein fouet les plus précaires, majoritairement des femmes, des agents de catégorie C. Sous prétexte de lutter contre l'absentéisme, on stigmatise les malades. On punit celles et ceux qui sont déjà épuisés, au lieu de s'attaquer aux vraies causes, surcharge, sous-effectifs, conditions de travail dégradées. Alors nous, à Bagnolet, on connaît leur engagement. Sans les agents, il n'y a pas de service public, pas d'école propre, pas d'accueil pour nos enfants, pas de lien social. Ce vœu, c'est un message clair. Nous refusons que l'austérité se fasse sur le dos des agents. Nous exigeons le retrait de cette mesure injuste et nous soutenons toutes les mobilisations pour les droits des personnels publics. Ne laissons pas passer cette attaque. Soutenons nos agents. Votons ce vœu qui est sur la table. Merci. Des remarques, des observations ? Frédéric Gabin. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Merci pour ce vœu. Effectivement, le gouvernement a décidé dans le budget 2025 de diminuer significativement les indemnités maladie des agentes et des agents de la fonction publique. Ça les impacte évidemment aussi à Bagnolet, ceux qui travaillent pour le service public. On peut se rappeler des conditions dans lesquelles ont été votés le budget 2025, alors que fin 2024, les députés de gauche avaient pu construire un budget avec de nouvelles recettes qui permettaient d'assurer le financement des services publics et la réduction du déficit. Le Sénat et le gouvernement Barnier le balayèrent et tentaient de faire passer en force leur budget austéritaire et libéral avec un 49-3. Le gouvernement Barnier fut censuré. Malheureusement, après son coup de force électoral de l'été 2024, Macron persista en nommant le gouvernement Bayrou, qui échappa à la censure proposée par la France insoumise et soutenue par les communistes et les écologistes. Non seulement ce budget réduit les indemnités maladie des agentes et agents de la ville, mais la loi de financement de la sécurité sociale et le décret du 20 février 2025 actent une baisse des indemnités journalières versées par l'assurance maladie lors d'un arrêt de travail pour toutes et tous les salariés du privé. Ça va plus loin que seulement les agents du public. Les indemnités journalières étaient calculées sur 50% du salaire journalier de base avec un plafond fixé à 1,8 SMIC. En 2025, le plafond est abaissé à 1,4 SMIC. L'impact est donc aussi pour les habitants de Bagnolet, et particulièrement ceux en contrat précaire, tels CDD et intermittents, qui n'ont pas le bénéfice du complément de salaire par l'employeur. C'est pourquoi nous, à Bagnolet en commun, nous soutenons et nous voterons ce vœu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je propose de passer aux voix, qui est Jules. Oui, je vais faire très vite. Si je voulais un peu troller, je dirais que tout ce qui tape sur le gouvernement, moi je suis OK. Mais plus sincèrement, c'est un vœu qui unit toutes les forces de gauche pour lutter contre le gouvernement et ses politiques délétères. Donc en ce sens, le groupe citoyen indépendant votera pour.